Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Postcast. Tu écoutes le Postcast. Oh, you can... Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? C'est un pic, c'est un cap. Que dire, c'est un cap. C'est une péninsule. Et donc pour ce septième épisode, je crois, nous allons nous attaquer au Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et oui, c'est un épisode spécial que l'on vous propose ce mois-ci. Il y aura donc des rubriques un petit peu différentes, vous allez voir. Ça va très bien se passer, ça va être très chouette. Mais avant ça, j'accueille Nono. Salut. Nolou. Oui. Oui, salut. Et Evie. Ouais, salut. Et donc moi-même, Tristan, toujours là, c'est moi qui animerai cette fois-ci. Alors, on a prévu quelque chose d'un petit peu différent ce mois-ci, on ne va pas vraiment faire des débats par catégorie comme d'habitude. On a un chapeau, que vous ne voyez pas du coup, avec plein de questions dedans, et on va tirer des questions au hasard et essayer d'y répondre et de débattre un petit peu sur ce sujet ensemble. Mais avant tout ça, peut-être qu'il faudrait expliquer ce qu'est le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Donc c'est un festival de films de genre auquel on aime tous bien participer. Et donc c'était la 11e édition cette année sur la thématique... c'était quoi la thématique ? XX, voilà, donc les femmes en fait dans le film de genre, quoi. Peut-être qu'avant de commencer, on pourrait peut-être commencer... tous par dire un petit peu notre rapport au FEF. Tu sais, genre, moi j'ai découvert le FEF comme ça, et on fait un tour de table comme ça. C'est totalement improvisé, on n'avait pas du tout prévu de le faire. t'as l'air bien parti pour commencer. Excellent. C'est-à-dire que moi je suis nouvelle strasbourgeoise, enfin depuis un an, ce qui fait que c'est ma première édition du FEF en étant du coin, en étant de l'Alsace. Adoptée, de l'Alsacienne d'adoption. J'ai découvert l'an dernier, en venant voir Tristan et Nolou à l'époque, où je pensais même pas que je foutrais les pieds en Alsace pour vivre. Et tu nous as suivis. Et je vous ai suivis. C'est absolument génial, parfois, la vie, ce qui se passe. Et j'avais fait une midnight movie, et j'avais vu un film argentin, je crois très lent, où le mec se battait avec un drap parce qu'il n'y avait pas de budget. Donc ça donnait un petit peu l'idée du FEFS. Et cette année, j'ai vu quasiment rien... parce que j'ai beaucoup été à Paris, qui est ma vraie ville, en fait, en vrai. Oh. Ouais, je sais. Dis pas ça, y a des Strasbourgeois qui nous écoutent, je crois. Je suis désolée. Mais voilà, donc j'ai vu des courts-métrages, j'ai fait un zombie walk, j'ai vu un midnight, donc on va bien s'amuser, j'ai beaucoup de choses à dire, ça va être génial. Nelou ? En moi, mon rapport au FEF, ça fait 3-4 ans que j'y vais. Et comment j'ai découvert ça ? Je crois que c'était par hasard, j'avais été voir... Non, j'avais vu la file et qui attendait devant le cinéma. Je me suis arrêtée, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'avais demandé une place, mais vraiment sans du tout savoir où j'allais. Et à ce moment-là, du coup, j'avais une carte qui était pour deux et j'invitais toujours quelqu'un, en fait, derrière moi. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré Tristan. Mais là, il ne s'agit pas de Tristan, mais d'une autre fille qui avait 16 ans et qui ne les faisait pas du tout, d'ailleurs. Et elle était complètement loufoque, elle a fait « Ouais, vas-y, on y va, moi non plus, je connais pas !» Et donc... et en fait, le FEF, c'est tellement ça. Parce que déjà, ça m'avait plu, cette soirée-là. Et en fait, c'est tellement, tellement ça. Genre, tu rencontres des gens tout le temps, hein, toutes les séances, tu parles avec des inconnus, c'est hyper ouvert, tout le monde... Oui, tout le monde discute assez facilement, je trouve. C'est plutôt les gens du même milieu. Alors, je dirais un peu bobo-gauchiste, mais... Mais en fait, on s'entend vraiment tous bien, je trouve, et on fait des super belles rencontres. Alors des fois, c'est des amis que tu reverras pas, c'est des amis du FEF, quoi, spécial FEF, que tu reverras que à ce moment-là, des têtes que tu reconnais, quoi. Moi, il y a des gens, genre, il y a un mec chevelu rousse, il s'appelle Maxime, je crois. Je le vois vraiment qu'au FEF, et après, il disparaît. Et Je l'ai croisé aujourd'hui en vélo. Ah ouais? Je fais, hey, tiens, le gars du FEF. Que le FEF. Ouais, mais ça devient la meuf du FEF, le gars du FEF, ouais, c'est trop ça. Et du coup, tu te fais un petit réseau comme ça, juste à ce moment-là. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les Midnight, où là, par contre, c'est du coup à minuit jusqu'à 2h du mat. Et là, tout le monde crie, tout le monde parle, tout le monde... exagère en fait dans le cinéma et ça me fait vraiment cette impression de cinéma indien où justement ils se lèvent, ils dansent pendant le truc, C'est presque ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Et je trouve qu'on rend le cinéma, du coup, plus aussi sérieux qu'il ne l'est. Et il prend toute une dimension, en fait. Et du coup, le FEF, pour moi, c'est ouais, cette dimension sociale qui est importante. Ok. On reviendra un petit peu sur d'autres termes, notamment, on n'arrête pas de dire FEF depuis tout à l'heure. Alors FEF, en fait, c'est l'acronyme du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Donc voilà. Et on reviendra un petit peu aussi sur les différentes catégories. On a parlé des Midnight Movies, il y en a d'autres. Mais avant ça, du coup, Evie, comment as-tu découvert le FEF ? Alors mon histoire du FEF a commencé grâce à Nolou, en fait. Parce que je vivais à peu près plus de 50 km de Strasbourg. Et un samedi, il me semble, j'ai reçu un texto de Nolou, il y a 3 ans. Il me dit « Hey, ça te dit un cinéma ?» Et je dis « Ok, ça marche. » Je prends ma petite voiture, j'arrive sur Strasbourg, il est à peu près midi. La séance était vers 13h15, un truc comme ça. Je la rejoins. Et concrètement, je suis repartie le lendemain, le dimanche à midi, parce qu'elle m'a emmenée dans une séance de court-métrage, elle m'a emmenée, dans deux fois des court-métrages, je crois, ouais. Dans la cérémonie de clôture et dans la nuit excentrique, on vous expliquera également ce que c'est. C'était la première fois de ma vie que je voyais des nanars, c'était assez nouveau pour moi. Et du coup, ça a été une expérience hyper intense, donc en 24 heures, j'ai vu 6 films, j'ai connu toute l'ambiance du FEF qu'il y a autour, et du coup, j'ai trouvé ça juste ouf, et je me suis dit, il faut absolument que je refasse ça. Donc voilà, vous avez avec nous l'instigatrice de mon amour pour le FEF. Yeah. Toi, Tristan ? Pour ma part, quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré un Alsacien qui s'appelle Simon. Coucou Simon. qui n'arrêtait pas de me parler de ce festival. Et plus tard, j'habitais à Paris. Je dis bah tiens, c'est l'occasion. Je vais venir te voir à Strasbourg. Je suis venu le voir. Et il m'a amené au FEF. Et du coup, on s'est fait pas mal de films en week-end, je crois. C'était vraiment hyper cool. Et je me suis dit, mais il faut trop que je revienne. Et alors, je crois que cette année-là... Non, c'est pas cette année-là que je t'ai rencontré, Nounou. C'était encore avant. Donc, j'ai fait... C'était il y a 3 ans ? Ouais, je crois que la première fois que j'ai fait FEF, c'était il y a 4 ans, en fait. Oui, moi aussi. Donc, j'ai fait un week-end juste avec mon pote. Et j'ai trouvé ça génial. Je suis rentré à Paris et j'attendais plus qu'une chose. C'était qu'un an passe pour que je revienne. Du coup, un an a passé. J'ai refait le FEF. On s'est rencontrés. Et puis, aujourd'hui, j'habite à Strasbourg. Donc... je pense qu'on peut dire quand même que c'est un festival qui a eu un impact assez majeur dans ma vie. Et en fait, dans la mienne, parce que t'aurais pas fait le FEF, t'aurais pas rencontré Nolwenn, tu serais pas partie à Strasbourg, ouais. J'aurais pas rencontré Nolwenn non plus. C'est vrai. J'aurais pas rencontré Evie, et je me serais pas dit « Hey, et si je me cassais de Paris pour aller à Strasbourg ?» Et est-ce qu'on peut dire que tout ce qui tourne autour du FEF avec nous trois est dû à Nolwenn, du coup ? Oui. Bah... Oh moi j'avais déjà une expérience du FEF, mais c'est vrai que un peu, en tout cas sans le FEF il y a forte chance que ce podcast n'existe même pas, en fait. C'est ça. Putain, c'est beau. Oh. Du coup, il était vraiment obligatoire qu'on fasse une émission spéciale pour vous en parler, et du coup voilà, c'était vraiment, ça nous tenait à cœur. Ça fait vraiment les ailes de papillon, tu sais, la théorie comme c'est quoi, ça. Un petit goutte. Ouais, un battement d'ailes de papillon, voilà. Fait des tornades à l'autre bout de la, non, mais de la terre. Ça. Regarde, ça a été un texto, hein, donc... Je tiens à rappeler que moi, à la toute base, je suis ici à cause d'un forum de Sims il y a 10 ans. Quoi ? Mais oui, parce que c'est là où j'ai rencontré Elodie. Elodie, si tu nous écoutes, bisous. Tu m'as fait connaître Tristan. Ah oui, bah, la vie, hein, c'est fou. C'est dingue. Bref, on va peut-être pas refaire tout pour comprendre nos relations. Donc, avant d'attaquer nos petites questions, en fait, on s'est noté des questions sur chaque catégorie du festival. On va peut-être un petit peu vous parler un peu plus de ce festival plus en détail pour ceux qui connaissent pas et pour vous donner envie de venir. Donc, la chose la plus importante, j'ai envie de dire, du FEF, c'est la compétition internationale du film fantastique. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a un prix du public et un prix du jury. Donc, c'est des films de genre. Comment on pourrait décrire ça ? De la SF, de la fantasy, de l'horreur. Des films de genre, quoi. Bah c'est de la SFFF et horreur, quoi. Donc, science-fiction, fantasy, fantastique et horreur. Voilà. Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a la compétition crossover. Donc là, on est dans des films qui... sont pas vraiment des films de genre, mais qui sont un peu dans le même esprit quand même. Donc il y a souvent du thriller ou des films qui sont pas vraiment fantastiques, mais qui ont un côté vraiment originaux, je trouve, un peu atypique. Une toute nouvelle catégorie, c'est la compétition animation. Donc des films d'animation, forcément. La compétition court-métrage. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde a compris. Non, mais il y a 3 catégories quand même. Oui, c'est vrai, donc dans le court-métrage, il y a international, made in France. Et animation. Et animation, voilà. Les Midnight Movies, donc les Midnight Movies, c'est des séances de cinéma qui commencent à minuit, avec une ambiance généralement électrique, et qui s'inspirent de ce qu'étaient les Midnight Movies historiquement, c'est-à-dire des séances de minuit qui avaient lieu aux États-Unis, pendant lesquelles passaient un petit peu les films qui n'ont rencontré aucun succès en salle en journée. C'est souvent des films très expérimentaux, totalement barrés. Il y a eu notamment Rocky Horror Picture Show qui a beaucoup fait parler de lui dans cette catégorie-là. Oui, et c'est notamment ce qu'on appelle le double feature. Donc le double feature dans le cinéma hollywoodien, c'est justement cette idée de double programme en fait. On mettait d'abord un film qui marchait bien pour espérer garder les gens finalement dans le film d'après qui était plus un nanar, la série B, etc. Et finalement, Rocky Horror Picture Show, dont tu parlais Tristan, a tellement bien marché que finalement il marchait mieux que le film avec quel était un double feature. Hein. Ça a fait un phénomène en fait. Ouais, et ça a créé toute une mode autour du Midnight Movie avec vraiment une ambiance dans la salle qui était vraiment très différente. Et le FEF a un peu essayé de recréer ça. Enfin, les séances spéciales. Donc, ça, ce sont des. C'était quoi ça de nouveau, les séances spéciales? C'est des documentaires en fait. C'est documentaires, ou principalement, ou des films d'histoire sur la vie de réalisateur. Okay. Donc c'était plutôt ça, c'est vraiment des choses totalement à part et plus souvent documentaires ou commentaires. Rien qu'entre tout ça, il doit y avoir une bonne cinquantaine de films je pense, mais c'est pas fini parce qu'en plus de ça il y a une rétrospective qui a eu lieu pendant toute la semaine que dure le festival, donc le festival dure 10 jours en fait, et la rétrospective se passe dans un des petits ciné d'art et d'essai de Strasbourg, le Star. Avec plein de vieux films en noir et blanc, muets, mais pas que, même des films un peu plus récents des années 80 notamment. Et c'est vraiment l'occasion de voir des films cultes, restaurés, bonne qualité, donc c'est hyper intéressant. Et puis il y a les séances événements, j'ai envie de dire. Donc cette année on en a eu un drive-in, on a eu l'exorciste dans une église, il y en a eu une troisième je crois de séance spéciale. En plein air, voilà. Une année précédente, on avait eu les Dents de la Mer dans les bains municipaux de Strasbourg, par exemple. Donc, c'est vraiment des séances où on joue sur le décor. Et il reste encore plein de choses parce qu'il y a aussi plein d'autres événements qui se rajoutent au FEB. Donc, il y a une compétition de jeux vidéo autour du fantastique. Il y a des conférences sur le jeu vidéo. Il y a la Zombie Walk, bien sûr. Bien sûr. Qui ouvre le festival. Il y a un film d'ouverture, un film de fermeture, avec aussi une ambiance un petit peu particulière. Bref, c'est beaucoup de choses, le FEF. Il y a le réalisateur aussi. Il y a les réalisateurs qui sont invités, qui vont avoir droit à des séances particulières. Les réalisateurs sont sur place et peuvent répondre aux questions pendant certaines séances. Donc voilà, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Surtout si vous aimez le cinéma de genre, c'est vraiment un moment hyper sympa à passer. Et en plus, j'ai l'impression que c'est un festival qui se multiplie pas mal, parce qu'il y en a un à Strasbourg, mais je sais qu'il y en a un à Paris aussi. Y en a un à Neuchâtel, qui commence à être de plus en plus important. Et puis, il y en a un autre pas très loin, en Allemagne, je crois. Comment il s'appelle? Il est hyper connu, en plus. Je sais pas du tout. Bon, tant pis. Bref, ça a l'air de plus en plus à la mode, j'ai l'impression, et moi, je m'en réjouis. Et juste pour rajouter, l'invité d'honneur, pardon, au jeu, là, cette année, c'était John Landis, celui qui a fait Le Loup-garou de Londres, et aussi le célèbre Blues Brothers. Ainsi que le clip Thriller de Michael Jackson, que je crois qu'il y a eu des zombies justement pendant la séance d'ouverture qui faisait référence. C'est lui. Énorme. Thriller, c'est lui. D'accord. Et il était là, du coup. Trop bien. Mm. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir commencer à piocher nos petites questions. Allons-y. Oui. Alors, Nono, t'avais l'air motivée pour piocher une première question. Vas-y. Une main innocente. Une main innocente. C'est le petit bruit pour vous donner l'illusion. Alors. Comme si vous étiez avec nous. Oh, c'est marrant. J'ai mis une question dans toute la liste et je suis tombée là-dessus. C'est pour ça qu'elle veut les piocher. Elle l'a notifié. Comme quoi, même les minorités sont de mise. C'est très important, les minorités. Voilà. Oui, donc ma question, moi, c'était par rapport à ce qu'on a vu tous les quatre, oui, tous les quatre, lors de la projection des courts-métrages Made in France, et c'était par rapport au court-métrage Loft au paradis. Mm-hmm. Donc, Loft au paradis, c'était donc un court-métrage réalisé par les élèves de l'université Paris 7 Diderot, où j'ai fait mes études, je tiens à le dire. Oh. Et oui. Et c'est un très très chouette court-métrage, en fait, où c'est un couple qui meurt. Oui, c'est très chouette, on s'amuse bien. Et le couple meurt, et le mari couchait avec la sœur de la femme. Et lorsque ce couple décède dans un accident de voiture, parce que la nana appelle sa sœur pour lui dire qu'il couche avec son mari, finalement, bah, il se tape un poteau. Enfin, le mari se tape un poteau, mais la voiture se tape un poteau. Et voilà, et du coup, il meurt. Et donc, en fait, le couple se retrouve finalement dans un loft, où tout est censé être tout beau, tout mignon, tout propre, mais les deux s'emmerdent. Et voilà, et du coup, ils voient, en tout cas, la nana est super heureuse et le mec s'emmerde, et ils voient à travers la télévision, donc, la vie de la fille, de la sœur qui reste et qui essaie de se tuer pour aller leur dire qu'elle couchait avec le mari. Voilà un peu, en très très bref, pour ceux qui n'ont pas vu ce court-métrage, que moi j'ai beaucoup aimé, qui était très drôle. Et donc, ma question, j'y viens, c'était sur l'apparition des nouvelles technologies dans les séries, dans les cinémas de genre. Parce que voilà, maintenant, on parle, voilà, il y a ce côté jeu vidéo, à un moment donné, il doit choisir ce qu'il va faire, etc. Et on a notamment, évidemment, Black Mirror, qui a fait une exception en la matière, et qui, bientôt, va proposer un épisode interactif. Voilà, c'était toute une question sur qu'est-ce que vous pensez, finalement, de cette nouvelle vague, aussi, de sorte de dystopie, mais vraiment basée sur les nouvelles technologies, sur les écrans de télévision, sur les téléphones, sur tout ça. Voilà un peu ma question. En fait, le fait que dans ce court-métrage, il y avait une télé, et que... Ouais, en fait, c'était un peu comme un jeu vidéo, c'est vrai, quand il choisissait les choses. À un moment, par exemple, la sœur appelle les esprits et lui, il veut lui répondre. Et effectivement, il prend une espèce de grosse télécommande et il dit oui, non, et ça ressemble vraiment à un jeu vidéo. Enfin, c'était ça. C'était ça, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est vrai que souvent, dans les films d'horreur, par exemple, ou dans les films qui sont sur le surnaturel, on pense pas forcément tout de suite aux éléments modernes, bah voilà, un téléphone, une télé, etc. Et je trouve que c'est beaucoup utilisé, c'est vraiment dans le cinéma de genre où ces éléments modernes vont être utilisés comme un élément particulier. Par exemple, dans une comédie romantique, le téléphone ou la télévision va rarement avoir une importance de fou dans le scénario. Alors que dans le film de genre, par exemple dans un film d'horreur, bah, la télévision, par exemple, ça va donner la télévision dans le cercle, où le monstre sort de la télévision. Où là, pour le coup, c'est la façon d'avoir un rapport entre le mort et le vivant. C'est étonnant, d'ailleurs, cette utilisation. Mais du coup, est-ce que ces médias numériques, là, sont pas utilisés à des fins négatives dans ce genre de film? Genre là, par exemple, la télé se transforme en ouverture vers quelque chose d'horrifique. Et est-ce que c'est pas aussi une critique des numériques? Là, par exemple, c'était bizarre quand même que le numérique était représenté là que quand il est mort, parce qu'avant ça, on le voyait pas, en fait. Je sais pas. Bah, avant ça, il y a le téléphone portable où bah, il s'appelle. Mais oui, mais ça provoque la mort. Mais il meurt très très vite au début du film. Le portable provoque la mort. Oui, mais il y a 2 minutes avant. Donc ouais, ouais. La plus grosse partie se passe après. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas vu comme étant un petit peu un jeu, on va dire, avec la mort et tout. Mais plutôt comme un moyen de communication. Parce qu'il la voyait que soit quand elle allait se suicider, soit quand elle faisait appel aux esprits. Donc c'était un peu elle qui provoquait ça. Donc c'était un peu du vivant vers les morts. Et c'est vraiment parce qu'il suivait le truc, en fait, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai l'impression que pendant un long moment dans les films de genre, c'était soit un élément unique, comme la télé par exemple dans The Ring, soit il n'y avait pas du tout de technologie. Dans les films d'horreur, c'est souvent genre, ah bah tiens, on capte pas, donc on n'utilise même jamais rien que la lampe de son téléphone portable. C'est vrai. C'est vrai que j'avais l'impression qu'à un moment, il y avait vraiment un rejet de toute cette technologie et que ça revient un petit peu comme bah, s'il nous arrivait un truc genre là maintenant. Et ben oui, on a tous nos téléphones, on a tous plein de trucs et que du coup, bah, ça rentre un petit peu plus dans le quotidien. Parce que clairement, moi, il m'arrive un truc, je prends la lampe de mon téléphone portable, je veux dire, il n'y a plus d'électricité, au moins ça. Enfin, même si j'ai pas de réseau. Et c'est vrai que dans les films d'horreur, ils y pensent jamais. Et je trouve que c'est intéressant que ça revienne un petit peu plus, la technologie, comme on l'utilise, en fait, actuellement. Je suis juste en train de me demander, on a vu The Ranger en Midnight, on y reviendra peut-être plus tard, qui était une espèce de petit survival d'ado. Et je ne sais plus s'ils utilisent des téléphones portables, maintenant que tu le dis. Enfin, d'ado, jeune adulte. Ils ont pas de réseau. Ils arrivent pas là-bas, ils ont pas de réseau. Et ça, ah ouais, c'est le truc qu'ils ont. Ouais, ils arrivent dans la forêt et ils ont pas de réseau. Ouais, ouais. C'est ouf. Ouais, c'est souvent la façon de. Enfin, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile d'isoler des gens. Et dans un film d'horreur, t'as besoin que tes personnages soient isolés parce que sinon, ils ont moins de raisons d'avoir peur. Donc, il faut trouver une astuce. Donc, le pas de réseau, c'est facile. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il pourrait en trouver d'autres. Mais moi, je voulais réagir surtout par rapport à ce que tu disais, Nolou, sur le côté critique des outils modernes, en fait. Alors, moi, je le perçois pas vraiment comme ça. Moi, je me demande plutôt si c'est pas... le côté, le fait que ce soit un objet qui permette de communiquer avec quelque chose que tu ne vois pas. Par exemple, la télévision envoie des informations, des images, etc., qui viennent de tu sais pas trop où, en fait. Enfin, si, on sait, parce qu'on sait comment fonctionne une télévision, grosso modo, mais tu vois, c'est... Il y a un côté, hein, avec des très gros guillemets, un peu magique. Et souvent, les films d'horreur ou fantastiques, vont s'en emparer un petit peu pour faire genre, ben, puisqu'on sait pas trop comment nous viennent ces images là, ben on va dire que le surnaturel va s'emparer de cet outil là pour communiquer avec nous. Ça va être le cas aussi avec des téléphones parfois. J'ai pas trop d'exemples en tête, mais je suis sûr qu'il y a au moins un film d'horreur où bah si, tiens, The Grudge, il y a cette scène là où elle répond au téléphone et elle entend le fameux comme ça là qui est horrible. Il y a pas Scream aussi qui fait ça justement? Bah, si, il l'appelle. Scream, il l'appelle. Scream, il l'appelle, ouais. Ouais, mais c'est un mec réel, non? C'est pas un mec Scream? Oui, mais il l'appelle quand même. Oui, mais il l'appelle pour lui dire qu'il va mourir. Ouais. Oui, mais ça a du cinéma de genre. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Et tu vois, en plus, ça permet de faire... de découvrir la menace, et en même temps, elle est distante, tu vois. Elle est loin, mais elle est déjà menaçante, donc je pense que c'est un vrai élément intéressant pour les réalisateurs de ce type de film, quoi. Oui, ça crée une sorte d'oppression, mais un peu diffuse. Parce que bah, si t'appelles quelqu'un, surtout qu'à l'époque, par exemple, de Scream, c'était des fixes, bah, la personne, elle va pas être dans la même pièce que toi, en fait. Donc, tu sais que c'est dangereux, mais pas tout de suite. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Enfin, c'est intéressant, quand même. C'est ça. Juste avant de... Enfin, on va peut-être boucler cette question, ouais, mais j'ai sinon, un petit point, un dernier petit point là-dessus, moi, qui m'est venu en tête. Tu parlais de Black Mirror, qui allait faire un épisode interactif. Et alors je sais plus si c'était l'année dernière ou celle encore d'avant, il y avait eu un film hyper intéressant au FEF justement, qui était interactif. Oui. Et avant d'entrer dans le cinéma, on téléchargeait tous une application. Ouais. Et il fallait faire des choix. C'était trop bien. Et en fonction des choix, le film se changeait. Alors nous, on est morts très vite. C'est-à-dire que toute la salle est morte très vite, en fait, parce qu'on a fait les pires choix possibles. Et on communiquait tous, on était tous fous avec ce truc. Enfin, t'imagines l'ambiance du FEF avec ce truc. Bah ouais. Genre, on était là, on veut qu'elle crève et tout. Et du coup, on était tous dessus. Tu vois. Il y avait forcément des meneurs dans la salle qui disaient, ouais, appuyez tous sur oui et tout. Oh, ouais, c'était hyper drôle. Enfin, du coup, on essayait de convaincre les autres de voter tel choix ou tel choix. Ouais. Un des premiers choix, c'était. T'avais un personnage qui, donc le héros, qui était dans le métro et il y avait un étranger qui lui demandait de l'aide. Et choix A, je le renseigne. Choix B, non, je suis pressé, je me barre. Ouais. Et Là, évidemment, on s'est barré, tu vois. Et Louis et moi, on était là, mais ils sont trop méchants dans la salle. Je veux pas qu'ils fassent ça. Mais vu que c'était un vote, du coup, on avait qu'un tout petit impact. On était 1 sur. Et tu voyais le pourcentage et tout. Ah, oui. Et ouais. Mais ça, je pense que ça marche bien avec l'atmosphère du FEFS. Parce que moi, j'ai fait la même expérience. J'ai vu ça à Paris, au festival, à l'époque, ça s'appelait Alof Transmedia, je crois que ça a renommé de nom pour être festival New Imagine, je sais plus trop quoi. Bref, ça s'appelait Tantal, c'était avec Jean-Luc Bidot, c'était le médecin d'Orache, et c'est un truc sur la politique plutôt, c'était le même principe, en fait, tu télécharges l'application, tu devais voter, sachant que tu avais aussi du son en binaural, donc tu vois, le mec, il disait, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, tu entendais dans ton oreille droite, dans ton oreille gauche, etc. Par contre, les gens communiquaient pas, ils avaient rien à foutre. Chacun son téléphone en train de voter. Mais là, du coup, t'avais un casque. T'avais un casque. Ouais, ça aide pas. Ça aide pas. Mais par contre, pour l'immersion, c'était vachement plus sympa. Ouais. Du coup, le personnage, t'es dans sa tête, quoi. Ouais. Après, du coup, le personnage, nous, il représentait le FEF, du coup. Et ça, c'était sympa aussi. Genre, par exemple, on favorisait la baston ou le sexe. Ou, c'était un peu ça. Ou le vol aussi, on a volé un mec. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. On a fait les trucs les plus trash, quoi. On a fait les plus mauvais choix, mais parce que je pense qu'on était vraiment c'était dans cette ambiance drôle. Du festival où de toute façon on voulait voir de l'action décomplexée et des trucs totalement trash, quoi. Le réal était là, il a dit mais j'ai jamais vu ça. Il est devenu, mais heureusement que je suis venue, j'ai jamais vu ça, je m'y attendais pas du tout. Il a dit mais en plus c'est le plus court film que j'ai jamais vu, parce que du coup en fait ça dépend de ce que tu choisis, et plus apparemment plus tu réussis plus c'est long. Il dit mais là c'est plus court que j'ai jamais vu, enfin, ouais, personne n'a fait ce score. On était tous trop fiers, tu vois. Vous avez fait 25 minutes. C'est vrai que ça a été plutôt court, mais du coup ça nous avait permis d'avoir un long échange. Oui, ça, c'est cool avec aussi. Le réalisateur, ouais, c'était intéressant. Pour boucler, j'ai juste un petit truc jeu vidéo, parce que du coup on parle de cinéma tout à l'heure, et c'est un jeu vidéo horrifique, ça se dit horrifique. Horrifique. Horrifique. C'est mieux, merci. Horrifique. C'est un petit jeu pour smartphone. Ça s'appelle Sarah is Missing. Donc SIM par rapport à la carte SIM. Oh. Et oui, il y en a là-dedans. Et en fait, ça part d'une nana qui était en V, qui s'appelle. Sarah. Qui s'appelle Sarah. Il y en a une qui suit. Jamais deviné. Quelle surprise. Ah, heureusement que je suis là. Qu'est-ce qu'on ferait sans envie, je vous le demande bien. Et donc elle a été enlevée et son ravisseur t'envoie des messages pour flippant. Le montrer qu'elle est en train d'être torturée et qu'il faut absolument que tu aides. Oh, c'est horrible. Je ne chargerai pas cette application. Du coup c'est très particulier, tu vois, son téléphone portable, quoi. Ouais, il envoie des petites vidéos un peu flippantes, t'as le téléphone qui bug, enfin, c'est très très horrible. Bon. Et ben dans le même genre, il y a comment Lifeline. Oui, mais c'est moins flippant déjà. C'est moins flippant, c'est sûr, mais là aussi on utilise le donc Lifeline, c'est un jeu sur téléphone où tu reçois un message. Donc tu sur l'application, tu reçois vraiment un message sur l'application et c'est un astronaute qui est perdu sur une planète et il s'est écrasé et il sait pas quoi faire. Il fait allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis bloqué, pitié, dites-moi que quelqu'un lit ça, quoi. Et du coup, bah tu lui réponds. Et il réagit, et en fait ce qui est hyper marrant c'est que tu peux lui conseiller de faire certaines actions et quand il les réalise ça se fait en temps réel, enfin en temps réel entre guillemets. Par exemple si tu lui dis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout de l'autre côté de la colline, il dit ok j'en ai à peu près pour 2-3 heures, je t'envoie un message d'ici là, quoi. Ouais. Et donc toute la journée t'es là sur ton téléphone en se demandant si Taylor, donc le nom de son hôte, va bien, et c'est vrai que là c'était particulièrement bien utilisé, le côté téléphone, j'avais, quoi. J'avais trop peur moi qu'il meure et tout, c'était horrible. Moi j'avais pas à bosser perso. Ouais c'est ça, moi aussi. Et dernier recours dans ce genre là, un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour, Bury Me My Love, et en fait ce n'est pas un jeu horrifique, c'est un jeu sur une réfugiée. Et en fait, tu incarnes son mari et elle doit entreprendre le passage de la Syrie, je crois, jusqu'à la France. Et du coup, en fait, elle va t'envoyer texto. Toi, tu es resté en Syrie. Elle va essayer de trouver l'asile. Et elle t'envoie des messages pour te dire un peu où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle devrait faire par rapport au passage, etc. Voilà, c'est très intéressant. C'est également en temps réel. Et c'est vraiment très, très, très bien. Okay. Voilà. Donc, c'est cool. Enterre-moi mon amour. Ok. Mmh. Oh, c'est triste. Bon. Mais c'est triste. Oui, c'est on va passer à la question suivante. Nelou, est-ce que tu veux bien piocher? Je veux bien. Suspense. J'aime bien le suspense. Réalité virtuelle et films d'horreur, plutôt pour ou contre? Décidément. Oui, alors c'est moi qui ai posé la question et en fait c'était notamment par rapport aux films d'horreur en réalité virtuelle. Donc j'en ai pas testé cette année, mais les années précédentes j'avais eu l'occasion d'en faire un où j'étais dans une salle d'hôtel et il fallait trouver comment sortir de la chambre, en fait. Et au bout d'un moment, évidemment, tu tournes la tête et sur une chaise où il n'y avait rien juste avant, tu vois une silhouette, donc là tu hurles. Et puis évidemment, c'est un monstre et du coup t'es en panique et tu t'essaies de t'en sortir, enfin bref, c'était assez bluffant. Et du coup, je voulais avoir votre avis, vous, par rapport à ça, à l'utilisation de cette technologie-là dans le film d'horreur. Je suis en train d'imaginer un truc. Ah, vas-y. Imagine, on est 50 dans la salle à voir tout ça. Et genre t'entends des cris à droite, à gauche, autour de toi, et tu fais putain, ça va bientôt me tomber sur la gueule et tout. C'est serait énorme. Alors non seulement énorme, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que vraiment tu kifferais? Genre, est-ce que vraiment, après avoir reposé le casque, tu te dis, j'ai passé un bon moment? Parce que d'un autre côté, au FEF, Moi, il n'y a qu'au FEF que je regarde des films d'horreur. Normalement, j'aime pas ça. Mais au FEF, j'aime bien ça parce que justement, on crie tous en même temps, ou on dit tous « Ah, horrible !» ou on est tous genre « Non, fais pas ça !» Et ça rassure, parce que tu vois quelqu'un à côté de toi qui crie, et t'es là « Je suis pas seule !» ou « Non, je suis pas avec mon petit individualiste !» Alors que là, c'était le casque, que t'as toute la réalité autour de toi, et que t'entends des hurlements, genre, imagine quoi, tu es là, hop, t'es à Sainte-Anne, hop, quoi. T'as une asile de fou, pour peu que t'habites à côté, en fait. Bah, c'est un peu là où je voulais en venir avec cette question, c'est le fait que, du coup, avec cette technologie, le cinéma devient quelque chose d'assez solitaire, finalement. Donc, pendant le FEF, il y a eu... Alors, à chaque film, t'as le présentateur du FEF qui vient présenter le film. Et pour le dernier Midnight Movie, il nous a fait un discours assez... qui était assez, assez émouvant, je trouvais, où il nous disait un petit peu pourquoi il faisait ce festival-là, et que c'était parce que ce qui était important dans le cinéma, c'était qu'on soit tous dans la même salle pour rire ensemble, pour pleurer ensemble, pour s'énerver ensemble, pour avoir peur ensemble, et que c'était ça le cinéma. Et pour trouver le film nul ensemble. Et pour trouver le film nul ensemble. Et ça, moi j'ai trouvé ça assez vrai et assez beau d'ailleurs, ce qu'il a dit à ce moment-là. Et je me demandais, est-ce que... cette technologie, elle amène plein de possibilités, je pense, en termes de montage, en termes de façon de faire des films, mais en même temps, est-ce qu'elle transforme pas le cinéma en une expérience très solitaire, finalement ? Ben, je pense que ça va pas forcément transformer le cinéma, parce que je pense que ça se retrouvera moins dans le cinéma, mais plutôt un petit peu comme ce qui se passe dans le jeu vidéo maintenant, où t'as les jeux vidéo en VR, comme le dernier Resident Evil, qui a priori est hyper flippant. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient des let's play sur Internet, concrètement, ils font pas plus d'une demi-heure, sinon... cérébralement ils vont pas bien. Je pense que ça va être une version que tu vas faire chez toi, en fait, comme alors moi j'aime regarder des films d'horreur et j'en regarde même seule, et du coup par exemple un film d'horreur en VR, bon après je pense que je le vis moins bien qu'un film d'horreur tranquille sur mon canapé, tu vois, c'est violent, mais je pense que du coup c'est plus immersif, tu sais, où genre si t'es 2-3 seulement dans ton salon, tu mets tous tes lunettes et vous vivez la même aventure comme ça. Je pense que ce sera pas dans les salles de cinéma, tu vois, enfin en tout cas moi je le vois pas, parce que clairement quand je vais au cinéma c'est pas pour être seule dans mon fauteuil, en fait. Enfin, c'est pour être avec d'autres gens et vivre le moment. Alors moi, je suis très fan de VR. J'ai pas essayé le film d'horreur encore, mais je suis au point, j'ai déjà fait un grand 8 en VR, c'était génial. Et j'aime beaucoup ça, Europa Park, tout à fait. Oui, j'ai, moi, j'ai adoré. Fait. Je l'ai pas fait en VR. Il est trop cool. Et ouais, c'était Costality, même, ça s'appelle. Et ouais, en fait, je serais super intriguée de faire ça. Mais effectivement, je rejoins ce que dit Evie, dans le sens, voilà, ce n'est... Comment dire ? On laisse pas de trucs, on évolue, où le film n'est pas forcément maintenant, par définition, une destination de cinéma. C'est-à-dire que c'est un objet audiovisuel, mais qui n'a plus forcément pour finalité, on va dire, la salle. On voit que les films Netflix, par exemple, c'est pareil, tu peux te le mettre sur ton canapé, quoi, par destination. Oui, et pourtant, il commence à apparaître dans certaines salles de cinéma, notamment des gros multiplex, des séances VR. Je n'ai vu au MK2 à Paris. Je sais qu'il y a même des boîtes des lieux qui ouvrent uniquement dédiés à la VR. Alors parfois pour des séances de films VR, parfois pour des séances de jeux VR. Et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est un matériel ultra coûteux. Tu vois, c'est comme si je dis je vais installer une salle de cinéma chez moi. Bah en fait ça coûte trop cher, quoi. Il y a pas grand monde qui a les moyens. Et un casque VR c'est extrêmement cher aussi. En plus faut avoir un PC qui tienne la route derrière. Donc on peut effectivement penser qu'une entreprise qui va peut-être pouvoir négocier des prix en gros, je sais pas, va être plus à même d'acheter plusieurs casques comme ça et pouvoir permettre des séances, enfin va rentabiliser le truc en fait. Donc je pense quand même moi je pense vraiment que dans les années à venir on va voir émerger des lieux comme ça. Et que de la même façon qu'on dit aujourd'hui viens on va se faire une séance de cinéma, ou viens on va se faire un escape game, on dira viens on va se faire une séance de VR. Mais ça ressemble, enfin pardon, je pensais à quelque chose, j'en pensais à Evie qui disait moi je vais pas faire du VR au cinéma parce que justement moi pour moi la VR c'est quelque chose de solitaire où je suis chez moi. Et je me disais, imagine qu'en fait, on soit tous connectés et qu'on avance tous ensemble dans l'aventure, quoi. Imagine, enfin, dans l'aventure ou dans ce qui se passe. Ce serait ouf. Comme si avec l'application. faire un peu l'application et le film VR. De la coop VR en fait. Ouais, de la coop VR plutôt. JDR VR. Oh. Ce serait énorme qu'on soit tous reliés, tu vois, et qu'on puisse tous faire d'autres choix et se retrouver et tu vois ce que je veux dire? Bah ça ressemble plus à un jeu vidéo qu'à un film du coup, parce qu'il te faut un univers ouvert. Après c'est aujourd'hui ça. Le jeu vidéo et le film, enfin oui, oui c'est vrai. Enfin je pense que l'expérience ressemblerait plus à un jeu vidéo parce que du coup t'es maître de ton personnage. Pour moi, c'est vraiment la différence, en fait. C'est, un film, c'est plutôt quelque chose où t'es, entre guillemets, passif. Ouais. Et le jeu vidéo, où t'es le personnage principal. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de clips en VR pour l'instant. Mais par exemple, Tristan, tu parlais d'escape game. Alors, figure-toi qu'en Belgique, je suis passée devant un truc d'escape game en VR. Ah ouais. Et je suis très intriguée. Ah ouais. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, à Bruxelles, il y a vachement de trucs comme ça. J'ai vu une affiche pour exposition de Van Gogh en VR. Énorme. Et je suis hyper intriguée, je pense que je vais y aller. Bah, l'exposition de Van Gogh en VR, en fait, si tu possèdes un casque, tu peux même la faire directement depuis chez toi, parce que c'est un jeu qui existe, qui permet d'explorer les œuvres de Van Gogh en utilisant la VR. Et ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Il y a pas mal de jeux, entre guillemets, en fait. On va peut-être plus parler d'expériences comme ça qui commencent à se développer autour de l'art. Autour notamment de. Enfin, qui permet de redécouvrir des tableaux en fait d'une autre façon. Du coup, pour revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nelou et Evie, sur la différence entre le jeu vidéo VR et le cinéma VR, en fait, ce qui définit le cinéma aujourd'hui, c'est le fait qu'il ait subi un montage. C'est-à-dire que telle scène va être prise avec cet angle de vue, va durer tant de temps et va être coupée de telle façon pour passer à la scène suivante. Et c'est vraiment ça qui fait que le cinéma est différent de la littérature ou de du jeu vidéo ou de n'importe quel autre art vidéo en fait. Par contre, le jeu vidéo, lui, ce qui le caractérise, c'est ce qu'on appelle le gameplay. C'est le fait que on va être dans cette interaction là. Mais du coup, avec le cinéma VR, on n'a plus le montage. Parce que généralement, on incarne à la première personne un personnage, ou alors on regarde ce qui se passe, mais on va pas voir le montage des scènes, on va pas pouvoir dire ben là, tac, il y a un cut et on passe à la scène suivante avec une contre-plongée par exemple. Et généralement, c'est même le spectateur qui décide de la caméra. Et alors, moi, dans ce que j'ai vu en film d'horreur VR, mais même en film VR tout court, ça m'a fait hyper peur parce qu'on est hyper immergé dans le truc, mais c'était pas encore ça, quoi. Je me disais, c'était intéressant comme expérience, mais c'était pas non plus passionnant ce que je viens de voir. Et même avec un bon scénario, je suis pas sûr que ça aurait eu la même force qu'un bon film. Je suis un peu vieux con dans ce que je dis là, mais ça, pour moi, vraiment la force du cinéma, c'est cette capacité à faire du montage, quoi, à définir les scènes. Et là, la VR, pour moi, elle a pas cette force-là. Ouais, après la VR, c'est des bébés encore, hein. C'est une naissance, c'est pas. Je pense pas qu'on ait tout découvert dans la VR et tout abouti et tout créé. Je pense qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Mais ce que je voulais te dire, c'était. Tu disais qu'en fait le cinéma, c'était justement ne pas être à la première personne, mais il y a un film qui existe où. Je sais plus son nom, je cherche. Fatal Henry ou un truc comme oui. ça. Oui, de quoi et Henry quelque chose. Tu es à la première personne, tu vois les bras du gars. Mais oui, mais. Et il court, et il se bat, et c'est un film. Oui. On m'a envoyé le bande-annonce genre hier. Ah ouais? Et en fait, je me souviens pas du titre. Le destin. Il y a Henry. Donc je crois. Mais c'est l'histoire d'un mec qui est amnésique et tout, non? Oui. C'est ça. Mais oui, on m'a envoyé un bande-annonce hier. Je suis vraiment désolée en fait du coup pour les personnes qui m'ont envoyé. Parce que j'ai vraiment plus le nom qui me revient. C'est vrai. Ouais. Mais du coup ta définition marche pas pour ce film. Si, parce que c'est un choix de montage en fait. C'est un choix de montage qui est un peu expérimental, mais tu vois, c'est un film parmi tant d'autres. Et pour ce film là, ils ont fait ce choix de montage qui est particulier. Mais à partir du moment où tu fais un film, tu n'es pas obligé, tu n'es pas contraint à faire à la première personne, tu vois. Mais pour un jeu vidéo non plus. Non, pas pour un jeu vidéo, non, mais pour un jeu vidéo, tu n'as pas cette notion de montage, en fait, que tu as dans le cinéma. Je trouve que c'est une sorte de montage. Enfin, je sais pas. Ils choisissent quand même les scènes qui vont qu'ils vont montrer. Bon, là, on part sur un autre débat. Hein, mais... Oui, non, mais c'est sûr que le jeu vidéo et le cinéma s'inspirent mutuellement. Mais, comment dire, dans le cinéma, les choix de montage vont vraiment avoir un sens par rapport au propos du film. Alors que dans le jeu vidéo, ce qui va vraiment souligner le propos du jeu, ça va beaucoup plus être ce qui va être décidé au niveau du gameplay que du niveau de la façon dont l'angle va se placer, parce que l'angle, la caméra en fait, dans les trois quarts des cas, c'est même le joueur qui la décide, donc les développeurs n'ont pas le pouvoir finalement sur ces... Ce sera peut-être pas l'angle, mais ce sera peut-être les graphismes, ce sera peut-être la façon dont c'est joué. Ah oui, mais là on parle plus de montage. On parle de qualité d'animation, on parle de direction artistique, mais pour moi, le montage, c'est voilà, c'est où est-ce que tu fous ta caméra et à quel moment tu fous un cut, quoi. Ouais, choisir ce que tu montres, ce que tu montres c'est pas, et comment tu montres. Qu'est-ce qui est hors champ, qu'est-ce qui est dans le champ. Ouais, mais un film d'animation. Eh ben. Dans tous les cas, ça choisit ce que ça montre. Ouais, mais c'est pareil, non ? Un film d'animation... Tu choisis quand même l'angle dans lequel tu montres les choses, tu vois. Genre, il y a des fois où, par exemple, tu vas montrer un truc et il y a un personnage qui va sortir et tu as pu le voir. Dans le jeu vidéo, généralement, t'as le pouvoir de tourner la tête et de suivre le personnage. Imagine le... Après, il y a des cinématiques, c'est ça aussi qui est troublant, tu vois. Oui, mais ça va être des moments... Enfin, vraiment, c'est pas des moments de jeu, tu vois, c'est même des moments à côté. Et d'ailleurs, on dit cinématique, tu vois. C'est vraiment, c'est des moments de cinéma dans le jeu. Et c'est vraiment pour ça. Eh ouais, non, mais il y en a là-dedans, quand même. Non, mais ouais, par exemple, l'exemple tout bête, imagine un film d'horreur... T'as la tension, tu vois, t'as un moment de peur, et t'as la caméra qui est en gros plan sur le visage du personnage principal. Bah, tu flippes, parce que tu sais pas ce qu'il voit, tu sais pas ce qu'il y a autour de lui, tu sais pas où est le monstre. Dans un film d'horreur VR, comme on a pu en tester, mais c'est moi qui décide où c'est que regarde la caméra, donc si j'ai peur que le monstre soit derrière moi, bah, je me tourne. Mmh. Et du coup, je vois direct le monstre. Et si je vois direct le monstre, est-ce qu'il va me faire aussi peur que si je ne le voyais pas ? Ouais, je vois l'idée. Après, j'ai jamais fait de cinéma VR, donc c'est vrai que moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Parce que bah, du coup, j'en ai pas fait, j'ai même pas fait de jeux vidéo VR. Mmh. Je suis totalement novice là-dessus, mais c'est vrai que ouais, j'ai l'impression que bah, vu que tu décides plus, tu peux gérer ton niveau de peur, en fait. En tout cas, dans un film. Parce que bah, vraiment, genre, si ça te fait peur, bah, je tourne la tête, ça n'existe pas, ou je le regarde droit dans les yeux, comme ça, je l'affronte directement, quoi. Ouais, donc là, il y a un côté où... Enfin, tu veux dire, tu peux mieux gérer ta peur dans le cinéma ou dans la VR ? Dans le cinéma VR, ouais. Du coup. Ah oui, d'accord. Parce que bah, dans le cinéma, t'as pas le choix. En fait, on te montre un truc, tu l'acceptes ou tu tournes la tête et tu regardes pas l'écran. Mais bah, par exemple, dans le cinéma VR, de ce que je comprends, c'est bah, vu que tu choisis ce que l'image te montre, bah, clairement, genre, soit tu regardes la créature, soit tu regardes ailleurs. Du genre, non, ça n'existe pas, ouais. Je ne la vois pas. Mmh. Je trouve ça plus facile au cinéma qu'en VR, justement, parce que... non, mais de mon expérience. Ouais. Parce que du coup, au cinéma, c'est un choix imposé, du coup. Mais ça me déresponsabilise. Alors que quand c'est moi qui choisis de tourner la tête et de le voir, en fait, tu te dis pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Je pense qu'il y a un côté où tu t'en veux à toi, où tu te dis mais j'aurais jamais dû ouvrir ce placard, ou je savais pourtant qu'il pouvait être là. Ouais, tu sais, t'as ce côté dans les films d'horreur où tu dis mais fais pas ça, ne va pas là, mais bon, oui. Bien sûr, si j'étais à ta place, je le ferais pas. Et puis là, tu le fais. Et ben là, t'es dedans, quoi, t'as pas le choix et tu peux pas en sortir. En plus. Enfin, tu sais, t'as le casque sur la tête, c'est pas le même mouvement, faut réussir à le sortir, alors qu'au cinéma, tu fermes les yeux, tu tournes la tête. Non, là, là t'es foutu, quoi, t'es avec la verre, t'es dedans, quoi. Il y a un côté un peu flippant aussi, ouais. C'est là-dessus. Clair. Ok, bon, on n'a pas vraiment défini plutôt oui, plutôt non, mais on a eu un débat intéressant sur la question. On va passer à la suivante. Evie. Yeah, à moi de poser une question. Je vais prendre un gros papier. Bon, il n'y a pas écrit beaucoup. Hein. Comment faire peur au cinéma? Ah ben, c'est... on reste dans le sujet, lié, hein, en fait. Donc, ouais, donc ça reste vraiment lié. Ça peut être court, hein, comme question, comme ouais, réponse. On a un peu abordé déjà des éléments de piste. Bah alors, qui a envie de prendre la parole, hein? C'est qui la question? C'est moi, je crois. Ah, vas-y. Quelles sont tes peurs au cinéma? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment faire peur au cinéma? Oui, non, je pensais notamment... je pensais notamment au Midnight Movie qu'on avait vu. Vous savez, avec les fantômes là. Comment ils s'appelaient? Terrified. Oui, c'est ça. C'est ça, Terrified. Donc c'était. Un film espagnol, je crois. Ouais, parce qu'il a un nom en espagnol. À la base. Je pense que j'arriverai jamais à le prononcer, mais vas-y, parle, je le retrouve. Ouais. Et du coup, c'était un film de fantôme assez classique, qui revenait un petit peu au classique du genre, en fait. Et donc, il y avait des façons de nous faire peur qui rappelaient d'autres films d'horreur, qui réutilisaient un peu les mêmes ficelles. Et du coup, moi, je m'étais demandé, mais quand t'es réalisateur et que ton but, c'est de faire peur aux gens, c'est quoi tes armes pour faire ça? Bah déjà, on peut commencer en parlant du jumpscare, peut-être. Ouais. Qui est déjà une arme assez efficace, donc du coup, du fait de « Tintin, il y a quelque chose qui vient d'arriver dans ta gueule !» Voilà, où là, c'est clairement fait pour faire peur, tu sautes dans ton siège. D'ailleurs, c'est bien la traduction littérale, hein. Jumpscare, voilà, c'est sauter en l'air de peur. Donc je pense que c'est la première étape, en tout cas. Moi, j'ai un gros problème avec les jumpscares et avec leur utilisation. Je trouve que dans les films d'horreur actuels, on en use et on en suruse. Je les vois venir à mille lieues. Et clairement, je passe un mauvais moment, ou en tout cas un moins bon moment, devant un film qui utilise des jumpscares. Je trouve ça trop Terrified, facile. Terrified, par exemple, ils l'utilisent très peu. Il y en a 2-3, et encore, on les voit pas forcément venir. Comme la femme dans le... avec la fissure dans le mur. Ah, horrible. Donc ça fait un peu de jumpscare, mais tu t'y attends pas, et en même temps c'est un passage horrifique. C'est pas juste genre un chat qui saute dans le champ. Et par exemple, dans le film d'ouverture du festival, c'était la nonne, j'ai failli dire la momie, mais pas du tout, la nonne. Et clairement, il y en a beaucoup. Et du coup, je les trouvais pas terribles. Ouais, bon, en fait, souvent c'est ta petite musique qui vit, hein, qui monte crescendo, la petite « Tu vas avoir peur, tu vas avoir peur, ah t'as eu peur !» Ouais. Et ouais, c'est hyper attendu au final. C'est ça. C'est clair. Ouais. Le titre espagnol, du coup, c'est Aterradas. Voilà. Si, muy bien. Hola, ça va, ça, pour favor. Je suis pas sûr du tout que ça se prononce de cette façon-là. Aterrados. Merci. Oui, donc pour revenir sur le jumpscare, y a le côté où on balance une image. Donc en fait, c'est un réflexe, hein, forcément, on saute. Mais t'as aussi l'utilisation de la musique, comme tu le disais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines sonorités, tu peux pas lutter. Tu as peur. En fait, ton cerveau est fait pour flipper à certaines sonorités. Alors moi, ça, je trouve ça toujours fou, mais apparemment, voilà, c'est un truc qui serait utilisé dans le cinéma, paraît-il. On a ça, par exemple, avec Les Dents de la Mer. Hein. T'as cette petite musique. Et d'ailleurs, qui a été adaptée pour le journal ETF. C'est vrai. Ça reprend cette mélodie-là, c'est un peu bidouillé, mais sinon, c'est l'idée. Mais là, c'est un leitmotiv. En fait, la première fois... ça te fait peur, donc du coup, les fois suivantes tu entends, forcément, ça te fait peur. Donc ça, c'est peut-être une autre façon de faire peur. Moi, je parle vraiment d'un son particulier je crois qu'il est à peine audible, d'ailleurs. Les ongles sur la craie ou un truc comme ça. Je crois que c'est un son qu'on entend à peine, en fait. Ah. Et qui... j'ai déjà eu à faire. Faudrait que je retrouve ça. Et en fait, c'est... Neuronal, ça te crispe direct. Ouais, t'es crispé dès que t'entends ça, quoi. Ah ouais. Parce que moi, c'est vrai que la musique, dans les films, pareil, hein, j'ai l'impression que des fois, tu le vois venir, du coup. Parce que il y a certains films d'horreur, et je trouve les anciens films d'horreur, où je trouve que le FEF s'est beaucoup basé là-dessus, sur les anciens films d'horreur, où t'avais pas forcément de musique quand il y avait un moment qui arrivait comme ça, ou à la rigueur, une musique très très forte pendant très longtemps, et au milieu, se passait un truc. Et du coup, tu t'y attends plus forcément, parce que tu t'y attends quand la musique arrive, et en fait, non. Donc tu relâches la pression, et bim, il se passe un truc. Je pensais à un truc qu'on n'a pas dit, qui est complètement différent, mais l'utilisation du faux sang aussi joue sur la peur, parce que j'ai déjà vu des films où il était hyper mal fait, et où ça m'a sorti du film, tu vois, genre, mais attends, non, mais c'est pas du sang, hein, arrête tes conneries, c'est phosphorescent. Ouais, non, mais là, tu abuses. Et je trouve que l'utilisation du maquillage, de tout ça, c'est hyper important, en fait. Et parfois, c'est négligé, genre, on n'a plus de budget, tant pis, on va prendre ce qu'on a dans la cuisine. Un peu de cacao, un peu de sauce tomate, voilà. Et hop. Ouais, c'est vrai que l'esthétique, même l'esthétique des monstres, il y a vraiment des monstres, tu vois, que j'ai pu voir dans des films qui, en soi, les films faisaient même pas si flipper que ça, mais par contre, le monstre me met hyper mal à l'aise, et même aujourd'hui, quand j'y repense, par exemple, je pense qu'on a tous eu un petit bond devant le monstre du labyrinthe le labyrinthe de Pan, avec les mains là. Ah, tu l'as pas vu? Oh là là. Ah, okay, on va pas spoiler davantage. En même temps, si tu tapes labyrinthe de Pan, tu le. Il y a un monstre, tu comprendras dès que tu le verras, et il marque. On t'a pas trop spoilé visuellement. Il y a un monstre avec des mains, pour l'instant, c'est pas hyper gros, ça va. Ah, et en même temps, voilà, c'est normal qu'il marque. Oh, il alerte, il a des mains. aux commandes du film, c'est Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, c'est un peu le papa de tous les monstres, donc du coup... Mais j'avoue que oui, moi j'ai peu de souvenirs du labyrinthe de Pan, mais il y a deux, trois trucs marquants, dont ça. Dont ça, ouais. Et pareil, c'est un visuel qui te marque beaucoup. Il y avait aussi ce moment dans... c'est quoi, ce film où... Il y avait aussi ce moment avec ce film où... Ah putain, c'est autour d'une maman, c'est un monstre maman. Mama, mais oui, bien sûr, mais enfin... On en a parlé longtemps, en plus, toi et moi. Et Mama, je trouve que le monstre, moi, il m'a vraiment marqué, quoi, avec ses longs bras comme ça, et je l'ai trouvé hyper perturbant, tu vois. Bon, voilà, je comme quoi, pour rebondir sur ce que tu disais, que l'esthétique du monstre... Bah ça peut jouer, ouais. Tu crées de la vie, du coup, enfin... Ouais. Ouais, ou de la mort. Non, parce qu'il y a des monstres aussi, maintenant, qui sont faits beaucoup en images de synthèse. Il y avait beaucoup ce débat-là l'année dernière au FEF, justement, les monstres contre... Enfin, monstres maquettes contre monstres, justement, virtuels, en 3D. Et clairement, en fait, tous les monstres maquettes ont beaucoup plus de vie, beaucoup plus de corps, beaucoup plus de matière, et tu le ressens, tu le vois, même si on fait de la version 3D hyper réaliste et hyper beau... En fait, on n'y arrive pas. Enfin, vraiment, je trouve qu'on n'y arrive pas. Et même l'acteur, du coup, n'y arrive pas non plus en face parce qu'il ne le voit pas. C'était le magicien, là, dans Le Seigneur des Anneaux aussi, qui disait, mince, le Seigneur Blanc. Le chemin d'âge. Saruman. Hein ? Saruman, ouais. Mais il est mort, en plus, l'acteur est trop bien. Mais bref. Christopher. Ouais. Merci. Et il disait, j'en peux plus, en fait, de toutes ces... fausse réalité, moi je suis un acteur, mais en fait toute la journée je joue devant des fonds verts, avec des objets verts, avec j'en peux plus. Il avait fondu en larmes, je crois. Ah ouais, sérieux sur... ouais. Ah ouais, parce que c'était trop et que... Bah, lui il vient du théâtre à la base. Oui, donc ça change un petit peu, ouais. Mais effectivement, moi je pense qu'on perd ce goût-là, en fait, enfin, on perd cette atmosphère-là de quelque chose de réel, de palpable, et je pense que même notre cerveau il le voit, en fait, tout de suite. Bah, c'est pour ça que moi j'ai l'impression que les... En tout cas, quand on parle de films d'horreur, d'un côté, c'était mieux avant. C'était parce qu'il n'y a pas toute cette surenchère en plus de je mets 1000 jumpscares ou je mets 1000 effets spéciaux un petit peu fous dedans et tout. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette édition du FEF, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un peu un retour aux sources de... pas forcément, tu sais, des trucs cheap et tout qu'il y avait à l'époque, mais vraiment plutôt des techniques de peur et des techniques de fantastique de l'époque. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a deux autres façons de faire peur auxquelles j'ai pensé au fil de notre conversation. La première, c'est la peur qui... Alors, je ne saurais pas trop bien définir ça, mais c'est une façon de faire peur qui est basée sur le fait qu'on va te faire réfléchir à ce qui vient de se passer. Je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Dans la dernière version, il y a un moment où il y a un gamin qui passe devant un tableau où il y a un tableau assez flippant avec une nana qui joue de la flûte traversière. Et ce tableau est un peu flippant. Et un peu plus tard, dans la même scène, il repasse devant le tableau et évidemment le tableau est vide. Donc là déjà, tu comprends qu'il y a un problème et du coup tu commences à angoisser. Et le moment où tu commences vraiment à flipper, c'est que tu entends la flûte traversière. Et ça, je trouve ça malin parce qu'on t'a pas fait peur avec un jumpscare, on t'a pas fait peur en montrant un monstre, ni même en montrant un danger. On t'a fait peur en te faisant réfléchir à quelque chose qui sort de... Enfin, qui est pas normal, et même au-delà de ça, qui... En jouant sur un élément visuel qui s'est transformé en un élément sonore, tu vois. Donc en fait, je trouve qu'il y a... Je trouve qu'il y a une espèce de peur ultra satisfaisante, tu vois, où t'as peur parce que t'as compris un truc, tu vois. Et dans Mama, il y a eu un autre truc un peu similaire. Tu vois une gamine qui est en train de jouer à tirer un drap et tu penses qu'elle est en train de jouer avec sa sœur. Et puis, juste l'instant après, tu vois la sœur qui passe dans le couloir. Et donc tu dis, mais avec qui elle joue, la gamine ? En fait, elle joue avec le monstre. Et ce moment-là où tu réalises, tu vois, c'est vraiment, je trouve, une façon de faire peur qui est basée sur le fait que le spectateur réfléchit activement pendant qu'il regarde le film. Et ça, je trouve ça hyper prenant. Puis ça débouche un peu sur la peur de la potentialité de ce qui va arriver. Ouais. Parce que maintenant que t'as compris ça, tu vas te dire, il y a un moment donné où ça va lui arriver sur le rable. Hein. Ouais, donc du coup, tu flippes en prévention de ce qui va forcément se passer à un moment donné, en fait. Il y a de ça aussi. Et du coup, le deuxième truc, c'était simplement de ne pas montrer le monstre. Chose qui a assez bien fait... Alien, on comprend ça, ouais. Les Dents de la Mer, effectivement. Mais même le film qu'on a vu là, à Terrados, Terrified, on voyait assez peu souvent les monstres. Ouais, j'avoue. Bon, quand on les voyait, c'était horrible. Oh. Ouais. Mais horrible dans quel sens pour toi? Ils étaient mal faits ou horrible parce que c'était horrible? Ah non, moi j'ai trouvé vraiment flippant ces monstres. Hein. Ils m'étaient mal. Moi j'ai trouvé hyper intéressant la façon dont c'était filmé. En fait, ce principe de double vue. Par exemple, tu les regardes de droite, tu les vois pas, et tu les regardes de gauche et tu les vois. Et j'ai trouvé ça génial comme idée. Ouais, on va peut-être expliquer un petit peu. En fait, c'était un monde parallèle où justement. Avec différentes perspectives. Et justement, si tu regardes, là c'était l'exemple du lit par exemple, si tu regardes sous le lit, sur le côté, tu verras rien, mais si tu regardes sous le lit d'un autre point de vue, genre au bout du lit, bah, tu vas voir le monstre par exemple. Mmh. Espèce d'effet miroir comme ça. Ouais. Et ça c'était hyper malin parce que du coup tu sais jamais quand tu vas le voir et quand tu vas pas le voir. Oui. Alors, vers la fin du film, on arrive à savoir quand est-ce qu'on va le voir ou pas, et du coup, vers la fin du film, j'ai eu un peu moins peur. Ouais, mais toute la première partie où tu ne sais pas, tu sais qu'il est là, mais tu ne le vois pas, ça m'a mis une tension de ouf, quoi. Ça, ouais, mais c'est vrai qu'il est vraiment bien fait là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé rien que pour ça, rien que cette idée-là, enfin, en plus que le film était bien, mais cette idée en plus, en disant tu sais pas quand tu vas le voir, tu sais qu'il est tout le temps là. Ouais. Et qu'en fait tu ne le vois pas tout le temps, et possiblement que lui ne te voit pas tout le temps non plus. Dans l'armoire, quand tu sais qu'il est rentré dans l'armoire, mais tu l'ouvres et il n'y a rien dedans. C'est quelle horreur. Mais du coup, ça pose la question aussi, genre, est-ce que lui te voit tout le temps? Non, je pense possiblement que non plus. Ouais, je sais du pas, coup, c'est des tu belles saloperies quand même. Hein. Ouais. Mais du coup, tu te dis, vous vivez dans le même environnement, et possiblement qu'en fait, si tout se coordonne bien, vous ne vous verrez jamais. Mm. Et en fait, peut-être que vous vous croisez, et du coup, c'est la misère, quoi. Et du coup, c'est très intéressant. En tout cas, on vous le conseille. Ouais, bah, je sais pas si. Du coup, on l'a vu en avant-première, vu que c'était au fait. Ouais. Mais il sortira sans doute au cinéma. Et donc, si vous le voyez passer, n'hésitez pas. Allez, à moi de tirer ma petite question. J'ai pris un tout petit papier. La zombie walk. D'où nous vient cette passion pour la marche des zombies? C'est qui? Je crois que c'est encore une question de moi. Je n'ai pas mis d'état pourtant. Moi j'en ai mis plein pourtant. Mais ouais, je suis désolée. Je ne sais pas les miennes. Peut-être que Nolou, t'as envie d'en parler parce que t'étais ultra heureuse que la Zombie Walk revienne cette année. Et que tu n'as pas pu y participer. La question. arrête. J'avoue, c'est con, hein. Comme ça, on te laisse la parole en premier pour ça. La question, c'est d'où nous vient cette passion pour la marche des zombies? En fait, pourquoi on aime autant se déguiser en mort, non mais il faut quand même voir un truc, se déguiser en personnes qui sont mortes et qui marchent dans les rues. Et on fait rien d'autre, hein. On marche. Ah bah oui. Genre tu me dirais bien, on marche de là à là très lentement, je te dirais pourquoi faire. Mais si je te dis, viens on le fait déguisé en zombie, tu me dis oui. Bah carrément. Alors d'où nous vient cette passion? Moi j'adore ça. Ouais, alors pourquoi j'adore ça? Moi j'adore ça parce que ça crée une communauté déjà, et puis je vois des maquillages ou des choses, vraiment je me dis mais oh, t'y as pensé. Vraiment je suis là, mais genre la nonne zombie, le chien zombie, parce que du coup il y en a qui ramènent leur chien et qui est tout ensanglanté, le bébé zombie, ou enfin des trucs où tu les vois et tu les vois que dans ces moments là quoi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est faire peur dans la ville. Justement, tout ce truc-là de antiterroriste et tout, mais je trouve que du coup, tu casses un peu toutes ces peurs-là, et tu ouvres tout. Mmh. Et là, t'as plus peur de rien, tu t'en fous. Et surtout, t'as plus peur d'avoir des interactions avec des inconnus. Moi, je me souviens que mon gros kiff, c'était les petites chinoises... toute touriste qui était là, oulala, qu'est-ce que c'est? Moi, j'adorais arriver près d'elle et faire peur, quoi. C'était génial. Le but de notre jeu, c'était obtenir le plus de cris possible. C'était trop bien. Ou alors, ce que j'ai adoré aussi, parce que j'ai fait une année où on est passé dans une rue hyper huppée, où t'avais des petits vieux bourgeois en train de prendre leur petite tasse de thé. Et nous, on est rentrés à l'intérieur comme des cons. Oh non. Et on est arrivés, on a fait nos zombies, et on en a foutu partout sur les tasses, du sang, du machin, on leur crachait dessus. Et tu es là, genre, quoi, qu'est-ce qui se passe? Heureusement qu'il n'y a pas eu un arrêt cardiaque. Et nous, on a adoré. Et aussi, pouvoir être contre les vitres des vitrines, et pouvoir mettre tes marques partout. Non mais c'est vraiment une ambiance, quoi. C'est vraiment quelque chose. Et tu dis qu'on marche, mais pas que, en fait. Au moment où tu démarres, normalement, tu cours tous ensemble. Bon, après, tu remarches, mais... Et c'est vraiment... Et puis quand il y en a plein, c'est... Pff, c'est fou, quoi. Et finalement, il y a un côté... le plaisir de faire peur, d'incarner la peur. Ouais. Tu vois, dans, et c'est intéressant ce que tu as dit, tu parlais de tout ce qui est mesures antiterroristes, tout ça, et le fait que finalement on est quand même dans une société, je trouve, où très, enfin, quasi tout le temps on nous dit d'avoir peur de trucs. Tu dois avoir peur de ce que tu manges parce qu'il y a plein de saloperies dedans, tu dois avoir peur de, des terroristes parce qu'à tout moment tu peux te faire péter la tronche par un fou fanatique, tu dois avoir peur de traverser la route parce qu'il y a des gens qui conduisent dangereusement. Non, maintenant tu peux trouver un travail. Oui. Oh, tellement bien placé, cette phrase-là. Allez, c'est bien. Voilà. Super, merci. Et donc, pendant ce moment-là, où on est tous déguisés en zombies, on est tous déguisés en la peur, en fait, bah, finalement, c'est le moment où t'as pas de raison d'avoir peur, parce que c'est toi qui fais peur. Et... Ouais. Et c'est vrai que ça, moi je trouve ça assez, assez intéressant. Ouais. C'est jouissif. Ouais, c'est vrai. Bon, mais la seule c'était qui. Chouette. Non, les seules qui ont fait les zombie walk, c'est, cette année, c'est Evie et Nono. Ouais. C'est ça. Bah, nous, on était à un mariage, on ne peut pas se plaindre. Non, il y a pire. Il était bien en plus. C'est ça. Après, alors, vas-y, tu veux en parler? Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, il faut savoir que je déteste me déguiser en fait. C'est que vraiment, soit déguisé, j'aime pas ça, ça me fait chier. No offense aux amis qui aiment bien ça. Elle me regarde. Elle me regarde. Madame qui fait l'anniversaire sur les 7 continents. Moi, je suis la meuf qui vient en polo bleu, qui prend un béret pour faire la France et qui oublie d'amener du pain avec le fromage. Donc voilà, je suis à ce niveau-là, en fait, de pas aimer me déguiser. Et en fait, en Zombie World, j'ai fait le zombie emo. Oui. voilà, j'ai une amie qui m'a maquillée. Je déteste me maquiller de manière générale aussi, c'est la même chose, hein. Mais qu'elle là, allait mourir. J'ai... Ouais, c'était un peu ça. Je pleurais quand on lui a mis quoi, du crayon. Ouais, on lui a mis du crayon, elle a commencé à pleurer, on s'est dit qu'elle allait jamais s'en sortir. Mais au moins ça faisait réel, vraiment tu sentais qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais du coup ça t'a plu là? Et ouais, enfin tu vois, après toute cette souffrance, une fois que j'étais... En même temps, quand t'es emo, tu aimes souffrir, c'est pas grave. Tu cherches la souffrance. Même un emo zombie, quoi. Un emo zombie, on m'a maquillé en écoutant My Chemical Romance, c'était très bien. Parce que dans la tête, c'était « c'est pas grave, c'est la zombie walk ». Donc je m'en fous, en fait. Ouais. Et le côté « on me reconnaîtra pas, ça ressemble pas à qui je suis, en fait, donc c'est pas grave pour moi ». Puis il y a un côté très facile de se déguiser, je trouve, en zombie. Enfin, c'est déguisement cheap, tu sais, enfin, tu fais juste un peu de faux sang, tu te pallies le visage. Je trouve que c'est un déguisement assez simple. Bon, après, ça dépend de qui. Nous, non, on était quand même... Aussi. Alors, on n'était pas dans les plus tarés parce qu'on en a vu des oufs, mais c'est vrai que nous, on s'est donné rendez-vous 2 heures avant, on avait le latex liquide, on avait tout. Vraiment, ouais, ouais. On a fait des vrais trucs et d'accord, tout. Et moi, je sais que j'adore ça et j'adore Halloween juste pour ça. Je fais tout le temps des fêtes d'Halloween et j'adore me déguiser. Et justement, j'ai du latex liquide, du faux sang et tout chez moi à la maison dans un petit sac exprès. Et clairement, moi, j'étais trop ouf. Après, le zombie, c'est pas ma créature préférée, c'est pas quelque chose que... j'aurais l'habitude de faire, tu vois, à la rigueur je ferais quelqu'un genre victime d'attaque de créatures surnaturelles mais pas forcément zombie. Mmh. Et du coup là de faire zombie c'était assez nouveau pour moi, mais j'ai trouvé ça trop cool aussi, j'ai fait tout comme si toute la peau de ma joue s'était décollée et était en train de tomber et tout. Et on est, vu qu'on était tous dans ce délire là, c'était vraiment génial. Et après dommage que la marche était un peu courte parce qu'elle c'était un circuit très très petit. En fait, bon, nous, on est arrivés, elle avait déjà commencé, mais même quand on regardait le plan, le circuit était très petit parce que ça faisait 2 ans ou 3 ans maintenant qu'elle se faisait plus. C'est ça. Elle se faisait plus justement à cause de tout bah, le plan antiterroriste. Enfin, elle se faisait, mais... Ouais, ouais, de façon parquet. Restreinte. Ouais, ouais, c'est voilà. Ça. Et là, du coup, elle a été remise, mais bon, le circuit était très court. A priori, l'année prochaine, il sera plus long parce qu'ils ont vu que tout s'était vachement bien passé. Mais ouais, cette ambiance était vraiment drôle. Et puis, tu croises des enfants de 5 ans qui font les zombies et tu croises des gens... beaucoup plus vieux que toi qui font les zombies aussi, et tu sais, qui sont là, ils te croisent et ils te regardent bizarre et tout. Et cette ambiance, c'est vraiment drôle. T'as l'impression vraiment d'être dans les premiers épisodes de The Walking Dead où t'as toute la marche des zombies qui arrivent comme ça et tu te dis, ouais, je suis l'un d'eux en fait. Et il y a un peu ce côté communautaire aussi. Tu te dis, bah, on est tous ensemble. Alors on se connaît pas, on se recroisera sans doute jamais. Peut-être que même si on se recroise, on se reconnaîtra pas. Mais ouais, il y a un peu cet effet de communauté, genre on est tous en groupe et du coup ça nous donne une certaine force. On est tous égaux dans le mort-vivant. C'est ça, on est tous morts et fiers de l'être. C'est beau. Je pense qu'on va avoir peut-être le temps de faire une dernière question. C'est pour moi, c'est pour dernières. Moi. Vas-y. Vas-y, Nono. Dernière ou avant-dernière. Allez, je prends le gros. Alors, il y en avait deux. Ah non, c'est la non, même. C'est la suite. C'est la même, mais elle est en deux. Sans déconner. Oh la vache. Quoi ? Est-ce que tu veux que je la lise ? Je la connais. C'est moi qui l'ai écrit. S'il te plaît, oui. Vas-y, je vais la lire. Alors, c'est le film The Tower, qui parle des Palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés, et le film Another Day of Life, qui est une histoire vraie d'un journaliste qui est parti en guerre en Angola, qui a écrit un bouquin et qui après s'est fait en film d'animation. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est plus facile de faire des films d'animation sur tout ce qui est un petit peu guerre et sur les choses engagées ? Parce que là, ben, du coup, on a les Palestiniens qui ont quitté leur pays pour, bon, par rapport à toute cette histoire, et la guerre en Angola. Et c'était deux qui étaient dans la catégorie animée. Vas-y. Bah déjà, on peut plus représenter les paysages, forcément c'est plus logique, tu peux plus facilement représenter l'Angola que aller tourner en Angola pour présenter l'histoire, forcément il y a la facilité. Oui. Et peut-être que c'est aussi moins dur si c'est de façon animée, tu peux mettre peut-être plus d'outils stylistiques, de choses comme ça, que montrer la réalité aussi pure et dure. Quelque part, ça me rappelle un peu Persepolis de Marjane Satrapi, oui. Qui était en film d'animation, qui était vraiment très bien à ce niveau-là. Ouais. Ou alors Valse avec Bachir, que moi j'avais beaucoup beaucoup aimé. Ça se passe pendant quelle guerre ? J'ai un énorme doute. C'était pas en Irak ? Oui, c'est peut-être la guerre en Irak. Ouais, oui, bon. Je crois. Hein. C'est une guerre. Et voilà, c'est un film d'animation aussi qui est magnifique à ce niveau-là. Et voilà, je pense que ça sert aussi à mettre aussi en forme des procédés stylistiques pour justement toucher plus par rapport à l'histoire, je pense. Ouais, moi j'aurais même dit que ça permet de rendre le truc encore plus horrible, tu vois. Encore plus horrible qu'une image réelle, finalement. En jouant sur la direction artistique, parce que tu peux exagérer certaines choses, tu peux changer le... On a vu il n'y a pas longtemps Parvana, une légende afghane. Et moi, ce que j'avais trouvé assez marquant, c'était la différence quand la petite fille, donc Parvana, elle s'appelle comme ça, raconte une histoire. Et du coup, la technique d'animation changeait totalement à ce moment-là. Et quand on revenait à la réalité, on revenait avec les visages des personnages et tout, qui étaient certes très jolis, mais qui étaient marqués par la guerre. Et moi, vraiment, pendant le film, je vivais ces moments où on pouvait s'échapper dans cet autre style d'animation qui était beaucoup plus symbolique, beaucoup plus figuratif, comme une véritable bouffée d'oxygène, quoi. Donc voilà, je pense que comme tu disais, ça peut vraiment souligner le propos, quoi. Je me disais aussi qu'au niveau de l'animation, ça me faisait penser à tout ce qui était émotionnel. Ça allait peut-être toucher nous, enfants, en fait. Nous, notre enfance. Alors que c'est vrai que si je vois la même chose en film, je vais le regarder avec un regard plus adulte peut-être, et donc avec plus de recul, avec un jugement peut-être sur ce que je vois. Alors que là, si on passe un animé, c'est vrai que je vais avoir tendance à être plus dans l'émotion du coup, et plus... c'est mon âme de petite fille qui va être un peu choquée ou bouleversée finalement. Pour répondre du coup à ce que tu disais avec les techniques d'animation dans The Tower, justement, il y a cette idée de tout ce qui se passe maintenant est en 3D, et en fait, quand il nous montre un souvenir, tout est en 2D. Mmh. Et du coup, on voit cette différence. Alors, le style de dessin ne change pas beaucoup, mais on voit quand même une différence entre les deux. Et c'est vrai que je trouve que graphiquement, alors dans The Tower un peu moins, dans Another Day of Life, on a vraiment genre la réalité de la guerre. Genre, on arrive à un moment sur un endroit où bah, y a des gens qui ont été abattus en pleine rue, comme ça. Et d'autres gens arrivent et d'autres gens se font abattre, et clairement genre c'est un bain de sang et tu vois. Et je pense que ouais, ces images seraient peut-être déjà plus compliquées à faire en vrai film et peut-être moins marquantes. Enfin, peut-être que ton esprit, vu que c'est quelque chose de vrai, va créer une distance entre ça. Enfin, c'est souvent ce qui arrive en fait quand tu vois quelque chose d'horrible, ton cerveau ne veut pas l'analyser et du coup il bloque, alors que là c'est un dessin, donc il l'analyse et du coup tu vois l'horreur de la situation. Dans The Tower, vers la fin, il montrait des vraies photos dans le film. Enfin, c'est-à-dire que la petite fille, elle regarde un album photo et elle dit ah bah tiens, ça c'est mon grand-père et tout. Et c'est des vraies photos de sa famille et de la famille du réalisateur. Et du coup, ça c'était chouette, j'ai trouvé, parce que ça donnait vraiment une qualité et une réalité. Genre, en fait, ce que vous voyez là, c'est pas. Non seulement, enfin c'est pas de la fiction en fait, même si ça en a l'air parce que justement c'est des bonhommes en pâte à modeler, et du stop motion, en fait, non, ça existe vraiment, ces gens-là ont existé, et c'est mon histoire. Et je trouvais ça bien qu'ils le fassent. Il y a un film d'animation dont le nom m'échappe, où c'est un petit garçon avec une technique d'animation très, très naïve qui part à la recherche de son père. Et comment ça s'appelle ? Ouais, bon, tant pis. Et du coup, c'est vraiment très mignon pendant une bonne partie du film. Et à la fin, on a des images réelles pour nous montrer des choses très dures. Et je trouve que le fait de passer de l'animation au réel peut permettre de trancher de façon extrêmement brutale. Mmh. Donc je sais pas comment c'était dans The Tower pour le coup, parce que je ne l'ai pas vu moi, mais... C'était doux, ouais, d'accord. Mais je trouve que ça permet d'un coup de... Tu vois, de t'obliger à casser la distance que tu as pris avec le fait que c'était de l'animation, quoi. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément possible quand tu es d'abord dans le film et ensuite te mets de l'animation, parce que là, au contraire, ça rajoute de la fantaisie. Mmh. Donc c'est ça aussi, ça peut jouer sur le film engagé, quoi. Alors c'est un élément qu'il y avait également dans Another Day of Life, parce que vu que c'est un journaliste, il prend des photos parce qu'il est là pour le boulot, hein, donc il est en Angola pour le boulot, et du coup tu vois des photos des personnes qu'il a photographiées, donc, et tu vois des photos souvent de personnes qui sont décédées en plus. Donc il te les présente, en fait il les prend en photo parce qu'il va raconter leur vie et tout. Il y a une, je sais plus son nom, mais il y en a une qui est vraiment puissante, c'est vraiment une femme en plus, ce qui était pas mal. Elle était respectée par le groupe et elle est envoyée en mission, et en fait il lui dit il va faire un reportage sur elle parce qu'elle mène vraiment en fait ce combat, et elle décède, et en fait après tu vois sa photo, et dans le film également t'as des interviews de personnes qui l'ont aidée, ce journaliste, donc de personnes réelles qui ont survécu à ça, et du coup tu les entends parler et après tu vois le film d'animation. Donc c'est vrai que ça te montre d'un côté les choses où ton cerveau va pas te bloquer dessus, donc tu vois vraiment l'horreur de la guerre. Et en même temps, t'as ces personnes qui l'ont vécu, qui t'en parlent. Et du coup, ouais, peut-être que ça rajoute quelque chose, le fait d'avoir cette double vision animation-film. C'est pas lui qui avait gagné le prix, là, justement, animation ? Je sais plus si c'est lui qui a gagné animation. Il me semble, hein, que c'est celui en noir et blanc. Non, il est pas en noir et blanc. Le gagnant. Ah bon ? Non, ouais, j'ai pas noté le gagnant. Mais il est pas en noir et blanc, Another Day of Life. Parce qu'il y en a un qui a gagné, il me semble. Tu n'auras pas le gagnant dans la programmation. Non, mais c'est après l'image. T'imagines ? Il y a des indices. Ouais. C'est celui-là qui a gagné. Ah oui, ouais. Another Day of Life, il est comme ça. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas ça. Oh, c'est joli. Il y a un petit côté Vassag Bashir. Bah, il y a eu une explosion surtout sur l'image. Alors, on vous envoie sur le site du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, où vous pouvez retrouver toutes les images et toute la programmation. Ouais. Et vous pouvez voir des images, et si vous voulez voir tous les titres, ils sont également dessus. Je pense qu'on peut se faire une dernière question. Oui ! Allez, c'est moi ! Une dernière. Non, regarde ça. Ça y est, elle en pioche plein. Pensez-vous que projeter l'exorciste dans une église est une bonne idée ? Cela change-t-il un peu votre vision de l'église ? T'es contente ? Alors oui, cette question, c'est moi qui l'ai posée, parce que je suis la seule à avoir pu le voir. Parce que vous étiez... Non, vous étiez là ? Vous étiez revenue ? Ah si, oui. C'était le jeudi. Après, il fallait prendre ses places longtemps à l'avance, et clairement, les deux séances étaient blindées. Moi, je les ai prises dès qu'elle est sortie, parce que je me suis dit « Wow !» Alors, l'exorciste, c'est un vieux film. Personnellement, il ne me fait plus peur. Mais je me suis dit, le voir dans une église, c'est juste fou. Mm. Et je me suis dit, waouh, il y a une église qui a accepté de le projeter. C'est ça aussi. Donc c'était à Saint-Guillaume, église protestante de Strasbourg. Et j'ai trouvé ça juste ouf, en fait, que l'église accepte. Et je voulais savoir ce que vous en aviez pensé. Ouais. Du coup, déjà, préciser que c'est l'église protestante et pas catholique. Du coup, il y a peut-être ça aussi qui joue. Peut-être. Qu'il y a quelque chose de plus progressiste, j'ai l'impression en tout cas, chez les protestants. Après, pour ta deuxième question, du coup, est-ce que ça change votre vision de l'Église ? En un sens, dans l'Église, tu as aussi des concerts, parfois. Alors, évidemment, pas avoir... en dehors de concerts religieux, voilà. Des concerts de jazz. Je crois que c'est Saint-Eustache à Paris, il me semble, qui accueille des concerts un petit peu, un peu modernes. Je crois qu'il y a une église qui a fait des concerts de métal, aussi. Ah ouais ? Non, c'est ouf. C'est trop chouette. Mais voilà, maintenant, les églises en soi sont du patrimoine architectural... Et en termes de patrimoine architectural, du coup, font partie de la culture, d'ailleurs. Enfin, elles dépendent, finalement, du ministère de la Culture au titre de la sauvegarde du patrimoine. Donc forcément, ça fait aussi que ce n'est plus seulement le lieu religieux, mais c'est aussi bah, le bâtiment, le patrimoine, finalement faire chose dans une église, c'est comme si on faisait quelque chose dans un château ou que sais-je, en tout cas dans un élément de patrimoine français. Donc je suis pas tant choquée que ça finalement, parce que je trouve que le lieu église a finalement perdu un peu de un peu son aura, sa prestance, le mysticisme, voilà, c'est ça. Et qu'en dehors des choses, voilà, de messe, des choses comme ça, bah tu peux te balader, la visiter, quoi. Moi j'ai l'impression que ça aide aussi un peu à avoir une image un petit peu plus entre guillemets jeune, parce que c'est vrai que bah quand on dit ah on va à la messe, on imagine les groupes de papy mamie qui vont s'asseoir sur les bancs, qui sont un peu grabataires et qui écoutent la messe comme ça. Et c'est vrai que là clairement bah on était que des jeunes et vraiment toute l'église était blindée. Et chose que j'ai trouvé géniale aussi, c'est que je sais pas si ça s'appelle un prêtre quand même quand c'est protestant. Non, c'est pas un pasteur. Oui, je crois. Pasteur, je crois. Ouais. Je suis pas très calée religion. Et est venu nous parler et il a fait des petits traits d'humour. Il a dit par contre moi je sais pas pratiquer d'exorcisme, alors du coup s'il vous arrive quelque chose je peux pas trop vous aider. Et c'est drôle. Et il avait vraiment des traits d'humour par rapport au film et j'ai trouvé ça génial. Et ouais, il le prenait vraiment. Genre c'est un truc vraiment cool, ça ramène plein de gens et je pense que ça ouais ça rajeunit un peu l'image du coup de l'église. Puis c'est peut-être aussi que les hommes d'église, enfin comme toute profession, non mais vous en venir, comme toute profession se rajeunit. Oui. Donc quelque part les hommes d'église sont aussi des gens qui ont très bien le pouvoir exorciste en étant ados, qui ont joué à Pokémon, etc. Finalement. Bah, les religieux sont des gens comme les autres. Hein. On croirait pas comme ça. non mais. Peut-être qu'ils jouent à Pokémon Go dans l'église. Exactement. Et c'est un bon lieu pour ça d'ailleurs. Ouais, oui, voilà, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on a tout de suite une image un peu. La vieillotte. Couvent. Un peu vieillotte, un peu moyenâgeuse de la religion, en tout cas de la religion chrétienne. Mais en fait à la même époque que nous hein, enfin, je veux dire c'est des religieux qui jouent aux jeux vidéo, qui vont sur Facebook, enfin je veux dire voilà. Donc en soi ça se trouve ce pasteur c'est un gros fan de Friedkin, tu vois, donc Mais du coup moi j'ai trouvé ça vraiment sympa et a priori d'après ce qu'on dit le pasteur du coup et les organisateurs du FEF, c'est une première mondiale, l'exorciste dans une église. Trop bien. Et ça se passe à Strasbourg. Énorme. Ça, trop classe. Et du coup, est-ce que ça a changé ta perception du film? Est-ce que tu penses que tu as mieux apprécié le film dans ce contexte-là que si tu l'avais vu, je sais pas moi, dans ton salon par exemple? Alors, j'étais pas ou bien assis. Il faut dire que les bancs de messe sont pas les choses les plus confortables du monde. Mmh. Mais c'est vrai que ça donne une autre ambiance. Parce que vraiment, t'as tous ces lustres, t'as les vitraux. Et puis, tu vois l'hôtel, parce que c'était projeté au-dessus de l'hôtel. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qu'il y a autour qui rajoute un petit peu de cachet au film. Après, c'est vrai que moi, je l'ai vu quand même quelques fois. Je l'ai vu il y a 2 ans, je crois. Et il faut avouer qu'il a vieilli. Mmh. Hein, faut être honnête. Du coup, ouais, je pense que c'est un truc à faire. Moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Je me suis dit, même s'il a vieilli et tout, c'est un truc à faire. Après, si t'es totalement fan du film, ouais. Mais je veux dire, j'aurais pu m'en passer. Mais c'est quand même hyper fun de l'avoir fait, quoi. Mm. Ouais, c'était mon ressenti un peu sur les Dents de la Mer dans les bains municipaux. Mm. Finalement, le fait d'être dans l'eau ne changeait rien au film. Et en plus, on avait une moins bonne qualité de son, du coup. Parce que ça, y avait la réverbe. Ouais, il y avait vraiment. Ah, nous, côté son, ça allait. Parce que du coup, ils avaient mis des gros haut-parleurs et l'église, clairement, ça fait. Ça devait être bon, ça. Ouais, c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que ouais, c'est des séances qui sont étonnantes, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est pour ça, quand j'ai vu que ça se passait, je me suis dit, c'est un truc à faire une fois dans ta vie, quoi. C'est clair. Donc, autant le faire là. C'est clair. Allez, on va s'en faire une ultime dernière question cette fois. Cette fois, c'est la vraie. Evie, je crois que c'est à toi de piocher. Oui, c'est à moi. J'ai encore plein de papiers. Je suis trop triste, on n'aura pas le temps de tout faire. Allez, j'ai pris un petit. Ça va être, je pense, un petit truc un peu léger. Que pensez-vous de l'arrivée de la catégorie film d'animation dans le FEF? Parce que c'est vrai qu'elle est toute nouvelle, elle est arrivée cette année. Avant, il y avait uniquement les courts-métrages d'animation. Et maintenant, il y a une catégorie complète avec vote du public et vote d'un jury. Et donc, c'est tout nouveau, c'est tout beau et c'est arrivé cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça donne plus de valeur aux films d'animation qui sont du coup présentés comme les autres films, finalement. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça les met un peu plus sur le devant de la scène. Et ils méritent de l'être, hein, parce que pour moi, il y a des films d'animation qui sont aussi bien que des films... je sais pas trop comment dire. Oui, mais... on en parlait tout à l'heure, il y a des grands films d'animation, donc c'est vrai que... C'est ça. Ouais. Je trouve que c'est justement les faire connaître, c'est bien. C'est une bonne chose. Après, ça, du coup, ça veut dire qu'ils sont pas en compétition. Ils peuvent pas être en compétition avec des films qui sont pas d'animation. Tu vois, ça, ça les sépare des autres films. Mais avant, il y en avait pas de toute façon, je crois. Non, si. C'est déjà arrivé qu'il y en ait. Ah, moi, ouais, je me souviens. Il y a eu Phantom Boy qui est passé l'année dernière, je crois. Je sais pas. Bah, j'ai pas de souvenir en fait d'un film d'animation en. En compétition avec d'autres films. Peut-être qu'ils n'étaient pas en compétition, ils étaient peut-être en crossover ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. C'est vrai que pour moi, en tout cas, après, je ne l'ai pas fait beaucoup, le FEF. Hein. Je l'ai fait il y a 3 ans beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai fait peut-être 2 films. L'année dernière, pareil, il y a juste année où j'ai pété tous les scores. Je vous le dirai juste après. Mais ouais, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas, en fait, des films d'animation, à part du coup dans les courts-métrages. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'ils mettent des vrais films d'animation en compétition, en tout cas. Je crois qu'il y en avait quelques-uns quand même, mais en tout cas il n'y avait pas de prix qui était décerné. Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même cool d'avoir un prix, parce que je pense que c'est hyper important pour les réals aussi de pouvoir dire bah ouais, notre film il a gagné le prix, pour le vendre ensuite, pour que des salles de cinéma le diffusent. Pas forcément facile en plus, parce que le cinéma d'animation ça sort pas beaucoup en salle, j'ai l'impression. Donc ouais, non, ça me paraît être une bonne chose, ouais. Parce que d'un côté, j'ai l'impression que le cinéma d'animation, alors c'est un genre à part. Mais vu qu'il sort pas beaucoup, vu qu'il est pas vu beaucoup, est-ce qu'il rentre pas dans ce qu'on appelle, avec des gros guillemets, le cinéma de genre aussi? Le cinéma de genre, enfin ce qu'on appelle vulgairement comme ça, c'est tout ce qui est un petit peu en marge, tout ce qui se voit pas beaucoup. Je veux dire, à part les studios Ghibli ou Ghibli, je ne sais pas comment vous le prononcez, et le dernier, celui qui a fait Silent Voice et Your Name, on en voit très peu. En fait, des films d'animation en salle. Tous les Disney, les Pixar, tout ça, c'est des films d'animation, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une catégorie à part, tu vois. Tu te dis pas, je veux voir un film, tu dis, je veux voir un Disney. Ouais, mais c'est le reste du cinéma d'animation. Ouais. Donc. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est. Enfin, tu vas toucher un autre public. Oui. Genre quand tu dis un Disney, tu vois. Enfin, je pense que par exemple, c'est pas les mêmes personnes qui vont voir ceux qui se sont passés là en compétition d'animation que ceux. Tu vas pas le montrer forcément aux mêmes personnes. Genre les Disney et Another Day of Life, oui, par exemple. Oui, c'est des studios tout à fait plus confidentiels, pas très connus et tout, donc effectivement. Et c'est des animations plus adultes aussi. Enfin, j'ai l'impression plus aux adultes. Ouais, je sais pas, celui avec le remake de Cendrillon, Cinderella The Cat, moi je l'ai pas trouvé très très très adulte quand même. Ah si, quand même, si, hein, parce peu, que ça traitait quand même de choses adultes. Ouais. C'est pareil, Tower, enfin... Ouais, Tower. Mmh. Et apparemment, l'autre que tu as vu, Evie, c'est pareil. Il avait l'air un peu trash quand même. C'est vrai que ça permet aussi de montrer du cinéma d'animation pas pour les enfants. Quoi. C'est ça. C'est vrai. Bah parce que dans cette catégorie, il y avait Chuck Steele aussi qui va sortir du coup sur Black Pills. Ah oui. qui clairement n'est pas du tout fait pour les enfants. Ouais, donc c'est l'histoire de Chuck Steele, un flic qui réussit. Enfin, l'équivalent de Kung Fury pour ceux qui ont vu le moyen métrage. Qui va devoir se battre contre les Trampires, c'est-à-dire les clodo-vampires. Voilà, donc il est pas spécialement fait pour les enfants. Et par contre, il y avait Mirai. Et ça, c'est plus. Enfin, il peut être plus vu par les enfants. C'est celui qui a fait Le garçon et la bête, je crois. Ah, c'est ça, oui, le titre. Je l'ai raté, j'avais trop envie de voir. Et du coup, celui-ci est plus aussi enfantin, parce que aussi le personnage principal est un enfant. Mais c'est vrai qu'il y en a un, du coup, parmi tous, qui est plus enfantin. Donc, ça touche plus, du coup, un public adulte, en tout cas, de ce qu'on en pense, nous, quoi. Bah du coup, vous semblez tous contents qu'il y ait cette catégorie d'animation, et du coup c'est cool, parce que ça nous permet de voir d'autres choses aussi. Mmh. C'est vrai que tout le temps des films d'horreur, des films hyper de genre, de l'animation, c'est aussi pas mal, et ça fait un peu une petite pause visuelle, je trouve. Totalement. Je pense qu'on est arrivé au bout de... Alors, non pas au bout des questions qu'on avait préparées, mais en tout cas au bout du temps quand c'était imparti pour poser nos questions. Et on va se proposer de continuer avec un petit peu nos recos et pas recos du FEF. Donc, contrairement à ce qu'on fait sur les autres épisodes, on ne va pas vous parler de tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a découvert dans le mois, mais plutôt des moments du FEF qui nous ont particulièrement plu ou déçus, parce que oui, même si on adore le festival, ça arrive, les déceptions. Mais c'est pas grave, vous ferez encore mieux l'année prochaine, les gars. J'espère qu'ils nous écoutent. alors, qui a envie de commencer pour les recos par recos? Bah ouais, je peux le faire si tu veux. Vas-y, non. Moi, je suis quelqu'un de sympa, j'ai pas de paroco, du coup, c'est cool. C'est parce que t'as pas beaucoup fait le FEF. C'est pas faux, c'est aussi que j'ai bien choisi. C'est vrai. Du coup, de quoi je vais vous parler de ma première Zombie Walk. Bah, du coup, bon, on a plutôt bien résumé un peu tout ça. Hein. Nelou a très bien parlé à ce sujet-là. Donc, c'était la première pour moi, et c'était, ouais, c'était très sympa. Effectivement, mon parcours assez petit. Du coup, qui allait en fait de la place Kléber à la place Kléber, c'était bien. Enfin, en faisant le petit tour comme ça de la presqu'île. Voilà, c'était très sympa la première Zombie Walk pour moi. Mais tu étais un très beau zombie. J'étais un très beau zombie emo. engagez-moi pour tout groupe de reprise de My Chemical Romance. Je connais très bien The Black Parade. When I was. Bref, fini. Hein. Et je mords pas le premier soir. Je mords pas. Ça dépend des... Ça dépend. Ah, ça dépend qui. Faut pas être aussi, ouais, c'est ça. Si à la fin... Faut pas, comme ça, affirmer des choses. J'essayais de te vendre, Nono, hein. Mais il y a des gens qui aiment bien être mordus le premier soir. C'est vrai. Mais c'est clairement pas ça, le débat. Ça dérape. J'aime bien. Bref, c'était pas là où je voulais en venir. On a très peu parlé de jeux vidéo, voire pas du tout, en fait. C'est alors vrai. Que le FEF, c'est aussi du jeu vidéo. Personnellement, j'ai très peu vu ce qui se passait. Il y avait du coup Shadok, donc le Shadok pour les non-strasbourgeois qui nous écoutent, s'ils existent. c'est un lieu culturel à Strasbourg dédié aux cultures numériques. Grosso modo, c'est un peu ça, jeux vidéo, mais aussi DJing, etc. Mm-hmm. Voilà, donc là-bas, il y a une exposition sur le jeu vidéo et une sélection de jeux vidéo indépendants. Il y a également eu une conférence, une table ronde, sur le jeu vidéo indépendant, qui est revenue sur plein de choses, sur l'histoire là, de comment s'est développé, notamment sur la plateforme Xbox Live Arcade, puis qui était petit à petit récupéré par la PS3, qui aujourd'hui est très exploité par Nintendo Switch, et un petit peu voilà, de l'économie aussi qui est très fragile du jeu vidéo indépendant, où des milliers de titres sortent chaque jour, et de comment se démarquer là-dessus. Donc c'était vraiment une conférence hyper intéressante à ce niveau-là, très instructive. Et voilà, donc c'était très chouette. Et enfin, donc, les Midnight Movies. Donc voilà, donc moi j'ai vu The Ranger, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais du sang, du punk et des ados un peu cons. J'ai eu les trois, c'était parfait. C'était magique. Voilà, ouais. C'est un pur truc où tout le monde se fait zigouiller les uns après les autres. Ça ne révolutionnera pas le monde, hein, c'est sûr, mais j'ai passé un bon moment devant ce film. Et voilà, après, il y a eu une petite déception sur l'ambiance qui, finalement, n'était pas si ouf de ce qu'on m'avait annoncé. Dans la mesure où, à un moment donné, je crois qu'il n'y a que moi et Nolou qui avons gueulé pendant l'affrontement avec le méchant du film. Et nous, on était là, mais casse-lui les genoux, mais vas-y. Et le reste, on battait un peu les steaks. Mais voilà, un petit peu pour moi ce que ça a donné, ce premier FEFS officiel de ma vie de Strasbourg. Ouais. Et voilà. C'est vrai que ouais, cette année, c'est un peu perdu en vigueur, je trouve. Ouais, bah c'est ce qu'on se disait en sortant d'une séance. On a fait The Field Guide to Ibane. Ah, attends, parle pas trop, ça va être ma déception. Non, mais du coup... C'est ma déception commune, en fait, je crois. Bah, c'est l'ambiance, surtout, qui était... Enfin, c'est celle qu'on a fait tous ensemble. Non, t'étais pas là. J'étais pas là. Ouais. Donc, on a fait le plus ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai fait tous les Midnight. C'était et cette ambiance, c'était... était très posé. Moi, pour moi, en fait, le Midnight, c'est un groupe de potes dans un canapé qui commente un film, sauf que là, t'es 200 dans une salle. Et tout ce fef a été très, très calme en Midnight. Et vous l'avez vécu, du coup, dans le dernier qu'on a fait. Et ouais, je pense que c'est une déception commune pour tout le monde. Surtout que là, c'était le dernier film du fef. Ouais. Alors, normalement, on termine par La Nuit Excentrique, qui est une nuit entière de nanar, donc avec une ambiance dans le cinéma qui est... ouf! Dingue, c'est en fait. C'est juste ouf, ouais. Et du coup, on avait tous envie de ça. Et en fait, on a eu un Midnight qui était en plus assez lent, qui n'était pas très funky, en fait. Ouais. Et du coup, bon, un peu déçu de ce choix de dernier film qui, je trouve, n'a pas su clôturer, n'a pas su être à la hauteur, en fait, c'est du ça. Reste du festival. Mais, ouais. Bah, du coup, tu peux continuer oui, dans ta déception et après faire ton point. On tombe après. Du coup, ouais, voilà, moi c'était un peu ça ma déception. Surtout que moi j'ai découvert le Midnight Movie avec Death Note 2 il y a 3 ans, je crois. Donc le synopsis, c'est des nazis zombies qui se battent contre des zombies staliniens. Génial! C'est tout ce que j'aime! Donc, voilà. Et il y a un tank. Voilà. C'est trop bien. Donc, c'est, voilà, pour moi, le Midnight Movie du FEF, c'était un peu ça, c'était de la grosse déconnade, et là, c'était pas trop le cas. Et j'ai eu l'impression un peu qu'on perdait, et c'est l'impression que j'ai depuis plusieurs éditions, qu'on perd petit à petit cette ambiance-là. Et je me dis aussi que ça doit pas être hyper facile de trouver de bons Midnight chaque c'est année. C'est le 11e quand même. Ouais, c'est quand même. Et du coup, il y en a 7, je crois, en tout à chaque fois des Midnight, parce qu'il y en a un par soir. C'est déjà un gros taf de sélection et je pense que ça doit pas toujours être hyper simple. Mais tu vois, par exemple, Terrified, qui était en Midnight, bah pour moi, c'était pas vraiment un Midnight, quoi. Moi, je m'attendais pas à le voir. Oui, là, c'était un vrai film d'horreur, quoi. Ouais, moi, mais ça passait, je trouve, à ce moment-là, du coup. Oui, ça passait. Ça passait. Non, mais parce que du coup, ça change un petit peu des autres Midnight, je trouve. Ouais, mais par exemple, tu vois, une autre année, j'ai vu un film post-apocalyptique, parodique de Mad Max, où les personnages se baladaient sur des vélos BMX, tu vois. Et là, on était en Midnight, quoi. Là, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Et c'est plus ça que j'attendais. Après, pour parler des Midnight, alors vous en avez loupé pas mal. Moi, j'ai essayé de tout booker, comme je vous l'ai dit. Il y a eu quand même Mandy, où il y a un combat de tronçonneuse, comme si c'était un combat d'épée. Ça, c'est cool. Il y a eu Dead Ant, où en fait, c'est des fourmis géantes qui viennent tuer des humains. Il y a eu Nightmare Cinema, où en fait, tu rentres dans un cinéma, tu te poses, t'es seul, et en fait, tu te vois mourir à l'écran. Oh qui, c'était très très drôle. Comment et en fait. Il y a un film qui se passe avec toi. En fait, t'arrives dans un cinéma, t'es tout seul, ou t'es deux, parce qu'il y a un couple à un moment qui arrive, tu te poses, et en fait, il y a un film qui commence, et en fait, c'est une histoire avec toi dedans, en tant que personnage principal. Mais tu te vois pas toi-même ? Non, la personne qui est rentrée dans le cinéma. Ah, c'est en... Sans c'est la genre, on va dire, elle s'appelle Judith. C'est la première Judith personne. Rentre dans le cinéma, et après, tu vois un film avec Judith. Et Judith voit le film avec elle. Mais tu vois le personnage, du coup, ou c'est la personne subjective ? Non, tu le vois. Tu le vois, d'accord. Et des fois il lui arrive des trucs. Genre il y a une araignée à un moment qui écarte un crâne en deux comme ça. Ah, qui fait... Et puis le crâne se referme après, et puis elle dit tue-moi c'est vraiment. Tu vois, là il y avait un truc là-dedans. Et puis il y avait Crazy Seung. Et c'est Crazy Seung qui va être sur Black Pills. Je me suis trompée avant. C'est pas Chuck Steele. C'est Crazy Seung. Et lui était clairement dans le style Midnight. Alors, Crazy Seung, c'est un film d'animation, enfin une série d'animation, ouais, qui a été faite par l'équipe qui a fait Last Man, qui est assez chouette. Et avec certains qui ont fait Pipoudou aussi, c'est pour ceux qui regardent Black Pills. Ok. Et il va sortir sur Black Pills. Et vraiment, il est perché, le truc. Ok. Donc, il y en avait qui ressemblaient plus à un Midnight, mais. Je suis peut-être tombé sur le mauvais aussi. À part dans Mandy, où il y a eu quelques cris au niveau des tronçonneuses, en même temps un combat d'épée type un combat de tronçonneuse type épée, ça fait des cris. Et dans Crazy Seung, sinon, c'était vraiment très plat. D'accord. Donc ton ressenti sur le dernier film était ce que j'ai ressenti toute la semaine. Ouais. Sinon, à part ce petit coup de mou, pour moi, le reste du feu était plutôt cool. Il y a une autre chose que j'ai pas trop aimé, mais ça, peut-être tu veux en parler, Nolou, c'est le film Human Spice Time and Human. Ouais, je voulais en parler, moi. Je te laisse en parler tout à l'heure, alors. Et je vais plutôt parler de ce que j'ai aimé particulièrement. Donc, j'ai adoré le film. J'ai oublié son nom. Prospect, c'est ça. Qui est un super film de SF et qui nous montre de la SF comme je n'en avais pas vu depuis bien longtemps, c'est-à-dire de la SF qui va nous faire comprendre qu'on est dans un univers très vaste, avec plein de choses hyper bien imaginées, tout ça, et qui arrête pas de nous faire comprendre qu'il y a plein de choses autour de cet univers qu'on ne verra jamais dans le film. Et ça, c'est ce que faisait Alien, c'est ce que faisait Predator, c'est ce que faisaient les premiers Star Wars, c'est de nous dire, on a un univers immense, et on vous en montre juste un petit bout, et c'est à votre imagination de faire le reste. Et ça pour moi, ça fonctionne à balle, c'est vraiment comme ça que j'aime la SF. Et j'étais très content de voir ça au cinéma en 2018, à l'époque où on a tendance à t'expliquer de A à Z tout ce qui se passe dans le film, et à te montrer vraiment tous les replis et à te faire des centaines de suites pour être bien sûr que t'as vu tout l'univers possible, quoi. Donc ouais, gros coup de cœur là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi Cutterhead qui a gagné la compétition. Ouais. Donc un huis clos. Alors j'ai beaucoup aimé Cutterhead, mais c'est pas un film fantastique pour moi. C'est plus un huis clos c'est un claustrophobique. C'est un film catastrophe en fait. Ouais, c'est plus un film catastrophe. Oui, donc film catastrophe, c'est un peu un film de genre, ouais. Ouais, certes. Je sais pas. Est-ce qu'on met 2012 dans les films de genre, par exemple, qui est un film catastrophe, tu vois. Ouais, je sais pas, mais c'est un film catastrophique, je suis sûr, en tout cas. Bref, donc voilà pour mes petits coups de cœur du FEF. Moi, de mon côté, du coup, ce qui m'a pas plu, c'est oui, Human, Space, Time and Human. On était voir avec Tristan. C'était notre dernier film. Ah! Ouais, c'était un dimanche. Donc, d'habitude, on fait pas ceux du dimanche parce oui, qu'on est trop crevé. Alors, dimanche, c'est le replay. Donc, le FEF est plus ou moins fini, mais on peut revoir certaines séances. C'est ouais. ça. Et normalement, en fait, dans les autres années, en tout cas, le samedi, c'était la nuit excentrique. Donc, où tu es là de 23h, je crois, à 7h du mat. Et là, du coup, dimanche, on n'était pas fatigué et on a été. Et donc, c'était notre dernière, voilà, il était 22h, on venait de se taper toute la journée, c'était notre cinquième film, je crois, un truc comme ça. Et on est parti de ce film au bout de 10 minutes, vraiment, clairement. Ah oui, quand même. Et ouais. C'est super rare qu'on fasse ça, hein, vraiment. Mais en fait, c'est coréen, je crois. Mm-hmm. Et ils sont tous sur un bateau, ils ont tous leur raison d'être là, mais c'est très peu expliqué, en fait. Et dans ce bateau, il va se passer un craquage complet et tout le côté malsain de l'humain va être représenté. Et il n'y a pas vraiment de transition. En plus, d'un coup, les personnages sont dégueulasses et malsains. Et en fait, c'est vraiment... ça passe du tout au tout et on ne l'explique pas vraiment. Les mecs ont juste envie de représenter ça. Mais en fait, très vite, il y a eu trois scènes de viol d'un coup. Et nous, c'est à ce moment-là à peu près qu'on est parti, parce que c'est vrai que déjà, on avait remarqué que les rôles féminins avaient juste tendance à être là comme objet sexuel et rien d'autre. Ou comme victime. Ou comme victime, du coup, et bah, les deux à la fois. Et ça nous a pas plu, parce que, ok, tu veux montrer que l'humain est malsain, mais du coup, tu utilises des femmes pour ça, et trop à outrance, en fait. Du coup, là, on s'est senti vraiment mal à l'aise, et on s'est dit, mais... Tu veux servir le propos, ok, mais pas comme ça, en fait. Non, clairement pas comme ça. Là, il cherche à choquer, c'est tout. Et dans ces cas-là, c'est comme le gore pour du gore, en fait. Ça n'a plus aucun intérêt. Et après, je sais que Evie, toi, t'avais un copain qui avait été le voir. Ouais. Et qui, lui, ça lui avait complètement retourné la tête. Alors oui, je devais en plus aller avec lui à cette séance, sauf que bah, mes séances ont duré un petit peu plus longtemps et j'ai pas pu y aller, donc je l'ai abandonné totalement pour ce film, le pauvre. Ouais. Et quand on s'est retrouvés pour voir un film après, il m'en a parlé et il m'en a reparlé le lendemain. Parce que vraiment, lui, il est resté dans la séance, ouais. Donc il a vu tout le film. Il m'en a pas dit beaucoup parce que je lui avais dit justement que je voulais le voir le dimanche. Finalement, je suis pas allée le voir. Mais clairement, ça l'a marqué parce que bah, il m'en a parlé 24 heures plus tard en me disant « Ah, j'en ai rêvé carrément de ce film. » Donc c'est qu'il est assez dur pour marquer les gens, quoi. Mm. Mais rien que les 10 premières minutes, moi, ils m'ont marqué très fort, ouais. Parce que c'est des scènes, les scènes de viol sont vraiment horribles. Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment dégueulasse, en fait. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit « Mais... » Enfin, ok, tu veux me montrer la bestialité de l'humain et tout, mais... Enfin, je suis certain qu'il y a d'autres façons de le faire, quoi. Ouais. Et à la rigueur, tu as envie de parler aussi de ça, ok, pourquoi pas, mais t'es pas obligé de faire en sorte que toutes les nanas qui sont sur le bateau se fassent violer, que enfin, ça dure beaucoup trop longtemps, c'est hyper intense, enfin, ouais, pour moi, gros point négatif là-dessus aussi. Oui, parce qu'en plus, même, alors j'ai pas du tout vu le film, je ne sais pas le réalisateur, mais si, genre, dans 10 minutes, 3 viols, c'est beaucoup, donc je pense que la personne a un peu une obsession pour le viol, pourquoi c'est la femme la victime ? Genre, une femme peut être violeuse aussi. Oui. Dans l'idée. Donc je veux dire, c'est vrai que c'est aussi un peu genre rester dans les clichés de la société où l'homme va prendre le dessus sur la femme. Genre si c'était juste la perversion de l'être humain, on a tous entendu des cas où les femmes le sont aussi, tu vois. Mais là, elles sont juste victimes du surtout coup. Surtout qu'on n'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'on était dans un film qui allait dénoncer le viol. Oui, on était plus, dans un film qui allait nous montrer que l'homme est horrible. Donc, oui, mais l'homme avec un grand H, du coup. Bah là, visiblement, coup, non, parce que la femme l'homme... est juste une victime. Donc, ouais, donc plutôt l'homme, le mal, quoi. Mmh. Donc, dérangeant. Enfin, une victime ou une pute, parce que les autres femmes qui se sont pas violées, c'est des prostituées sur le bateau. Attends, on n'a pas vu tout le film. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout le film. Sur 10 minutes, en tout cas, c'est ce qu'on peut en dire. Ouais, donc assez perturbant, quoi. Et du coup, la deuxième chose que j'ai pas aimée, en fait, moi j'aimerais bien que les événements se passent un peu plus en dehors du FEF, parce que moi, du coup, j'aime beaucoup le FEF pour les films. et l'ambiance qu'il y a dans le cinéma et tout, mais du coup je rate quasiment tous les événements qui se passent à côté. Ouais. Et en fait, bon, je comprends, hein, et en même temps, bah, Tristan avait entendu des gens dans la salle dire « Mais qui va au cinéma, les événements, c'est vachement mieux !» Et c'était pour la cérémonie de clôture, et on s'était regardé genre « Ah bah, nous !» Et c'est vrai que, ouais, moi, je fais vraiment partie des gens qui aiment beaucoup, beaucoup aller au cinéma durant cette partie-là, mais du coup... qui est toujours un peu dégoûté d'avoir pas pu profiter des événements, des concerts, le marché, j'ai pu y aller comme ça en courant entre deux séances, mais c'est toujours un peu difficile, je trouve, et c'est dommage. Voilà, je reproche au FEF de pas être assez long. Toute l'année, ah bah, s'il vous plaît. 10 jours, il faut avouer que c'est hyper court. Mais en plus, il faut tout choisir. C'est le FEF, en fait, c'est un choix compromis. De chaque instant. Ouais, ouais, c'est ça, compromis. C'est des compromis. Ah de non, fond. Je peux pas voir cette séance parce qu'en fait, je veux voir celle-là, mais peut-être que si j'arrive à voir celle-là, ah, mais du coup, je rate l'événement. C'est horrible. C'est ça. C'est ça. Et en plus, tu sais même pas. Genre, tu choisis un peu au pif parce que l'image t'a plu, parce c'est que. Clair. Enfin, ouais. Oui, en plus, souvent, au départ, t'as que le tout petit bouquin, donc t'as 3 lignes de résumé. C'est compliqué, quoi. Bah, moi, j'ai des potes qui vivent pas forcément le FEF comme nous, en fait, qui vont au FEF juste pour certains films qu'ils ont envie de voir. Genre, ils épluchent le programme, ils disent « Ok, j'ai envie de voir celui-là, celui-là et celui-là. » Et ils font 3 films dans la semaine, comme quelqu'un qui irait juste au cinéma en dehors d'un festival, en fait, tu vois. Donc, nous, on est un peu... des festivaliers hardcore, tu vois, on essaie de faire le plus de séances possible. Nono, peut-être. Moi, non, je suis pas comme ça. Moins, ouais. Mais bon. Moi, c'est vrai que bon, là, je travaille, mais si j'étais au chômage, tu vois, je sais que j'aurais fait 50 séances dans la semaine, quoi. Enfin, parce que c'est vraiment mon kiff, quoi. Une année, j'avais posé la semaine de vacances juste pour l'occasion. Oui, tu nous en avais parlé. Et Nono, alors, du coup, toi, tu fais plutôt partie de la seconde team? Ah, moi je suis carrément second team. Hein. Et pourquoi alors? Je suis incapable d'enchaîner les films. Ouais, c'est déjà, ça. Déjà, rester en concentré pendant un film, c'est super dur pour moi. Je suis incapable de le faire pendant 3 d'affilée. Non, bah, c'est beaucoup trop pour moi. J'avoue que c'était chaud. Ouais, je comprends. Franchement, t'arrives à rester concentré pendant tout le podcast. Moi je trouve ça hyper impressionnant. Ah, mais là j'ai déjà du mal, je trouve ça assez concentré en vrai pendant le podcast. Hein. C'est déjà très difficile pour moi. C'est un épisode de 3 heures, tu vois. Mais non, les films, je peux pas regarder les trucs trop longtemps, mon attention décroche trop, donc je peux pas du tout enchaîner. Et donc, pour se parler de ce que j'ai aimé, je vais vous parler de 2 films, Holiday et Ruzalka. Holiday, c'est l'histoire d'une femme qui fréquente un homme qui est riche, on va dire. Et elle va rencontrer un peu toute cette perversité de la richesse. Ce mec qui n'arrive plus à trouver le goût de vivre, même s'il est riche, et du coup qui va essayer de détruire cette nana-là aussi petit à petit, je sais pas, en utilisant leur sexualité, ou en essayant de la faire un peu peur, ou parce qu'il veut trouver une espèce de piment dans sa vie. Et elle aussi, elle va commencer à péter des câbles. Et c'est vachement bien fait, je trouve. Et l'actrice était bien, et... il y a certains dénouements dans l'histoire où je me suis dit que je ne m'y attendais pas, donc c'était une bonne découverte. Même si, bon, pareil, il y a une scène de viol, une viol aussi dedans qui était plutôt choquante. Mais après, tu avais la réalisatrice qui était là et qui nous a bien rassurés. Non, non, mais c'est du faux, vous inquiétez pas, on a tout prévu. Elle a dit que du coup, durant ses études, elle avait connu beaucoup de réalisateurs qui avaient fini dans les films porno, et que du coup elle avait eu plein d'astuces pour ses propres films. Et ouais, non, mais vraiment un très bon film. Elle a dit, peut-être que vous allez pas aimer, mais au moins il va vous faire réfléchir, et c'est exactement ce que ça a fait sur moi, donc je suis plutôt satisfaite là-dessus. Et Ruzalka, c'est complètement un autre genre. Alors j'en ai parlé à une copine hier qui l'a moins aimé, je vais vous expliquer après pourquoi, mais c'est l'histoire d'une sirène qui est enfermée dans ce lac, qui ne peut vraiment pas sortir de ce lac. Genre, elle essaye d'enlever son dernier pied du lac, elle entend du son, elle est vraiment clouée au sol, vraiment le lac l'appelle, c'est impossible pour elle d'en sortir. Et donc elle est hyper frustrée, ça va pas du tout, elle déprime, c'est une sirène qui déprime. Et elle va du coup noyer tous les mecs qui vont s'approcher du lac. Et elle va tomber amoureuse d'un gars, qui lui a perdu sa voix, donc on fait un, enfin il est muet, et donc on fait un espèce de remake un peu de La Petite Sirène, où justement c'est pas elle qui a perdu la voix, mais c'est lui, et c'est lui qui est du coup enfin le personnage un peu fragile, et elle qui est justement le personnage dominant, qui est un peu plus féroce. Et j'ai trouvé ça très bien, justement, très bien amené, ces deux caractères-là. Après, c'est vrai que ma copine, elle disait que c'était un peu lent, et que ça aurait peut-être mérité un court-métrage, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plans très longs. Après, moi, j'ai bien aimé, mais je peux comprendre qu'on trouve ça un peu lent dans la structure. Je pense que c'était recherché, en fait, cette lenteur. C'est ce que je lui ai dit. Parce que, en termes d'histoire, il se passe pas grand chose. Une semaine, je crois. Mais non, mais même pas. Même en termes de temps dans le film, il se passe pas beaucoup. Ouais. Genre, à un moment, je crois qu'on a même pas. Je crois qu'il doit se passer un week-end, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, en termes de temps, c'est très court en chronologie. Et du coup, je pense que ça nous montre un peu comme ils vivent. Parce qu'à un moment, ils sont juste assis, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Et il y en a un qui est muet. Et il est muet de naissance, par contre. Ah, d'accord. Donc, il perd pas sa voix. Mais ce qu'il le dit à un moment, je crois. Et, il le dit. Non, c'est le réel. Si, il l'écrit à son voisin, il me semble. Okay. Et en fait, oui, ils sont juste assis, comme ça, à se regarder et à rire un petit peu et tout. Mais c'est vrai que ça dure bien 2-3 minutes, donc c'est vrai que ça peut paraître très lent, mais je pense que c'est recherché par le réalisateur. Peut-être. C'est vrai que dans le contenu de l'histoire, il n'y a pas grand-chose. Oui. Enfin, c'est la relation qui est importante et tout. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vers la fin du film, j'étais vraiment plutôt du côté de la sirène, alors qu'elle est horrible. Enfin, elle est horrible, elle tue des gens quand même, tu vois. Et en fait, j'avais vraiment pitié pour elle. Et ça, je trouvais ça très, très bien fait. Ouais. C'est de développer cette empathie, quoi. Je trouvais qu'il y avait une certaine poésie, dans le fait que ce soit un petit peu lent, qu'on prenne le temps de... Moi, j'aime bien. Il y a une poésie et une certaine douceur dans ce film que j'avais beaucoup aimé. Et c'est un peu ce genre de truc, moi aussi, que je recherche dans le FEF. Un cinéma de genre qui va... Alors, le cinéma de genre un petit peu outrancier, qu'on aime bien, c'est évidemment à la Chuck Steele, voilà, oui. Voilà, on aime bien voir ça au FEF, mais j'aime bien aussi avoir l'autre penchant du cinéma de genre, dont Ruzalka est vraiment l'exemple parfait, je trouve. Je crois qu'on a fait le tour de nos... Bah non, et moi. Ah ben justement, je me demandais si tu l'avais déjà fait ou pas. Non, je l'ai pas fait. On a beaucoup discuté. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté là-dessus. Alors vas-y, oui, on t'écoute. C'est ça. Alors moi, je vais commencer du coup par ce qui m'a le plus plu. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Xiao Mei. Ah ouais. Mais en fait, en y repensant, c'est celui qui m'a le plus marqué, mais de façon visuelle. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est un film qui mélange beaucoup de genres visuels, on va dire. Et des passages qui sont films, donc vraiment une histoire se déroule. Généralement, un personnage finit seul dans le champ, et là, il s'adresse à la caméra, parce que c'est un reporter qui est derrière, qui recherche une personne disparue. Du coup, on passe du film au reportage, et après, il y a des plans souvent très très lents, avec très très peu de mouvements, dignes de photographie artistique. Et du coup, visuellement, c'est celui qui a eu le plus fort impact sur moi. Pas forcément en termes d'histoire, mais en termes de visuel. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper beau visuellement. Donc moi, c'est vraiment celui qui, après coup, m'a le plus marqué, mais pas forcément du coup en termes d'histoire, parce que ça va, entre guillemets, être juste un reporter qui essaye de comprendre pourquoi et comment une fille a disparu. Donc, c'est vrai que l'histoire est pas... Ce film a gagné le il prix, a gagné un prix du crossover, me semble-t-il. Ouais, il me semble... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, et il a gagné le prix du crossover, et c'est vrai que moi, c'est vraiment tout son aspect visuel en fait qui m'a beaucoup plu, parce que c'est vrai qu'il sortait en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'avais en tout cas jamais vu de film comme ça qui passe de mode film à reportage, et où en plus tu vois pas le reporter, où tu es le reporter. Donc concrètement, le personnage s'adresse à toi spectateur. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Après, il y a Non, rien, ça, je trouve ça marrant parce que ma pote, elle est partie au bout de je sais plus, une demi-heure, je crois, de film, justement. Parce qu'elle a pas aimé. Décidément, on n'a pas du tout les mêmes goûts qu'elle. Mais il y en a plusieurs qui sont partis pendant ce film. Et je peux comprendre parce qu'il est très lent. Je veux dire. Elle s'est fait chier. Elle a dit à son mec, on se fait chier. Il a dit oui et ils sont barrés. je pense clairement pas qu'il va plaire à toi. Moi, comme je dis. J'ai pas du tout aimé non plus ce film. Ah, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu aussi. Ouais. Non, j'avais pas du tout aimé. Mais après, oui, il est intéressant. Il est intéressant la façon dont il cherche à montrer l'absence. Ouais. Bah moi, c'est vraiment dans ça qui m'a marqué, c'est vraiment dans son côté visuel, dans son histoire est pas ouf. Je veux dire, Concrètement, t'aurais mis une autre histoire, peut-être qu'il aurait été mieux. Mais moi, c'est vraiment genre visuellement qui m'a marqué. Après, il faut dire que c'est un film, alors taïwanais, je crois. Ouais, je crois que c'est. Et qu'il est présenté comme un film chinois parce qu'apparemment, on nous a raconté l'histoire. C'est plus vendu, ouais. Ouais, la Chine veut récupérer ce cinéma-là. Pour dire non mais regardez, c'est nous qui produisons tous ces grands films et tout, donc non et parce c'est que c'est plus vendeur, ouais. Et en fait à Taïwan du coup il y a beaucoup de disparitions apparemment de jeunes, ouais. Et je me demande s'il n'y a pas un côté un peu film engagé qui nous a peut-être un peu échappé vu que nous on n'est pas du tout dans cette culture là, ouais. Peut-être. Après c'est vrai que concernant l'histoire il se passe pas grand chose. Clairement, moi, c'est vraiment le côté visuel qui m'a plu. L'histoire, c'est une personne qui a disparu et on pose des questions à ses proches. Donc, je comprends que l'histoire puisse ennuyer et qu'on sorte. Donc, après, ouais. Après, moi, il y a quelques films qui m'ont pas spécialement plu parce que personnellement, j'ai fait que des films. On parlait du fait qu'on ne pouvait pas tout faire. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas travailler cette semaine-ci. Et du coup, concrètement, j'ai booké mon agenda. Si vous voulez, j'avais la double page du FEF et j'ai flouté tous les trucs. Au maximum, j'ai fait 6 séances par jour, donc c'est compliqué. Et du coup, forcément, il y en a qui m'ont moins plu. Il y a par exemple Pity, qui parle également de l'absence, ouais. Où en fait, c'est quelqu'un qui... comment expliquer ça ? Bah, sa femme est dans le coma. Sa femme est dans le coma, et il aime cette tristesse, il aime que les gens aient pitié de lui. Et quand sa femme va sortir du coma, il va essayer de recréer en fait cette pitié que les gens ont pour lui. Donc il va mentir à certaines personnes en lui disant qu'elle est toujours dans le coma. Il est avocat, je crois. Et il va essayer de se rapprocher de gens qui ont perdu des gens et il va leur dire: ah oui, mais moi ma femme elle est malade. Et il va essayer de recréer cette pitié autour de lui. Sauf que elle sort du coma. C'est et ça. Elle sort du coma et du coup c'est la misère pour lui parce que là, tout va bien. En fait, et qu'il n'arrive plus à pleurer et que les gens ont plus pitié de lui, et il m'a laissée totalement indifférente. Ouais, moi aussi, j'ai pas je suis pas du tout rentrée dans l'histoire, j'ai eu aucune empathie pour ce mec en fait. Du coup, je suis restée vraiment très loin. Les dernières minutes. Le chien, ouais. Moi je suis vraiment restée très très loin. Je suis restée très très loin de ce film. Et alors, je peux pas dire que je l'ai pas aimé. Mais je suis juste pas rentrée dedans, en fait. Je trouve que l'idée était vraiment très bonne. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Et je trouve que c'était pas mal filmé et pas mal fait. Par contre, c'est vrai que ça aurait été très bien en court-métrage. Mais il y a pas mal de films au FEF où je me suis dit ça. Je me suis dit, ok, t'as une idée. C'est ce que disait Tristan un moment quand on parlait du FEF. Il disait, mais une idée, en fait, ça suffit pas. Genre pour faire un film. Non mais c'est vrai, des fois les mecs ils sont là: ah j'ai une idée trop bien, on va faire un film. Mais non, il te faut autre chose, il te faut un contexte, il te faut des super dialogues, il te faut, enfin c'est non. Pour rebondir sur le fait qu'il faut une idée, avant du coup de passer à ma deuxième déception, je vais vous parler de The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot, parce que c'est exactement cette idée-là. C'est ça. Il y avait le réalisateur après la séance du film, et on voit clairement qu'il y a une partie du coup avec Hitler et une partie avec le Bigfoot, et il y a vraiment cette séparation dans le film. Et en fait, il nous a raconté que quand il a écrit le script, l'homme avait tué Hitler au bout de 10 pages, et qu'après il fallait qu'il trouve un truc. Et du coup, ils ont trouvé le Bigfoot et ils l'ont rajouté après. Et c'est clairement ça, fait un court-métrage, en fait. Ouais. Et ça aurait clairement suffi à lui-même en tant que court-métrage. C'était très putaclic comme film, quoi. Ouais, en plus, genre Hitler et Bigfoot dans le titre, forcément, tu vas le voir. La salle était blindée, c'est la salle la plus remplie du FEF que j'ai faite. C'était juste fou. Et en plus, il était pas ouf. Non. Il y avait un bon titre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. C'était vraiment ça. Du coup, on passe vite fait à ma deuxième déception, qui est Love Me Not. Je ne sais pas si l'un de vous l'a vu. Non. C'est un couple, en fait, qui, a priori, vit dans une grande villa, un beau truc et tout. Et, en fait, elle a une assurance vie et elle va faire semblant de mourir. Et, du coup, il va y avoir toute une histoire avec un voisin qui va venir. Et je n'y ai pas cru une seconde. En fait, même le jeu d'acteur, je n'y ai pas cru. Ah. Je veux dire... Alors, il se passe des choses horribles parce qu'il y a le voisin qui découvre qu'elle n'est pas vraiment morte et qui veut la faire chanter et qui va la violer et qui va la tenir en laisse et tout. Donc, comme d'habitude, c'est pas un film bien. Mais je veux dire, à un moment, il la tient en laisse et elle doit marcher à quatre pattes. Et même le fait de marcher à quatre pattes, j'y croyais pas. Je veux dire, elle a une telle démarche de quelqu'un qui marche à quatre pattes que t'es là du genre... mais c'est tellement pas naturel. Enfin, tu sais, tu le vois, tu quatre pattes, c'est pas le mais c'est même non, marcher. Merci. Non, mais je veux dire, mais c'est ce que je me suis dit pendant le film. Je dis, je crois même pas au fait que tu marches à quatre pattes. En fait, elle pesait à peine les genoux, même pas, et elle marchait avec la pointe des pieds. Oula. Et sur les mains. Et rien que sa démarche, en fait, t'es là du genre. Mais tu te fais traîner par une laisse, tu peux pas essayer de marcher comme ça, en fait. Et du coup, c'est... déjà, je croyais pas au film, mais quand tu crois même pas à ça, tu te dis, je sais pas. Et du coup, ouais, j'étais devant ce film en me disant, mais pourquoi je suis là, en fait ? C'était compliqué. Donc... donc, ouais, je n'ai même pas cru à une femme qui marchait à quatre pattes. Pourtant, c'est il lui arrivait des trucs horribles, mais j'étais tellement genre, mais on te croit pas, en fait, que je suis restée totalement dehors. Okay. Pour finir, j'ai juste envie de vous faire un petit quiz. Mm-hmm. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit juste avant, je ne travaillais pas. J'avais programmé, attention, 43 films. Okay. Du coup, dans ces 10 jours, avec du coup le dimanche en replay. À votre avis, combien j'en ai fait ? T'as programmé 43 ? Ouais, sans compter l'exorciste. Donc 44 avec l'exorciste dans l'église. Je pense qu'on a fait 35. Ouais, 37. Ok, 36. Je n'ai pas du tout fait le dimanche. Donc non. Vous pouvez déjà en enlever 5. Ah ouais. C'est. Et t'as programmé 42. Bon, moi je suis toujours bon, 35. Moi aussi. Je change pas. Attends. Attends, t'avais dit combien ? J'en avais programmé, on va dire 44 avec l'exorciste, et sachant que je n'ai pas fait du tout le dimanche. Donc 43 moins 5. 5. 43 moins 5, ce qui fait... 38. Merci. non, je dis un petit peu moins alors. 34. J'en ai fait 31. Oh, c'est déjà très bien. Ouais, ça reste quand même un beau paquet de. Donc 31 du samedi au samedi. Pas mal. Donc ouais. Joli. Sachant que du coup, nous avions l'anniversaire de Nono qui m'a fait louper toute une journée de film. Oui, mais j'ai eu 25 ans. Oui. Et c'est pour ça que j'ai accepté de me faire louper une journée de film. Et après ça, tu as acheté des aspirines. Non, mais j'avoue que les 6 séances, c'est compliqué. Ouais. Surtout que c'est en fait, concrètement, à chaque fois, il faut sortir de la salle de cinéma. Donc, et pour ceux qui n'ont pas fait le FEF. Donc on est dans la salle, on doit faire tout un petit tour à pied. C'est le seul moment où je voyais le soleil de ma journée, en fait. Et je re-rentrais dans le cinéma, et ça du coup pour voir 6 films. Voilà. Et au moment où tu sors, tu fais ah tiens, il fait nuit. C'est ça, en fait. Et alors, les premières séances commençaient, la plus tôt que j'ai fait était à 13h45, donc ça va. Mais clairement, le matin, en fait, je notais sur Science Critique ce que j'avais vu. Donc je vous mettrai la liste en barre d'infos si vous voulez voir, comme ça vous pouvez voir toute la liste des films qu'il y a dessus. Je mettais mon avis dessus, j'allais au cinéma, je dormais, je mettais mon avis sur les films. Voilà. Ça a été mon quotidien pendant une semaine. Avec Tristan, durant ce FEF là, c'est vrai, et celui de l'année dernière, dès qu'on rentrait du boulot, on faisait nos petits sandwichs. Bon, là, c'est surtout Tristan qui l'a fait. Il faisait les sandwichs et tout, hop, et on y va, on met dans nos sacs et on part. Ouais, quand t'as pas le temps, ah, de... bah, c'est ça, hein. T'as pas le temps d'aller t'acheter un truc à manger. Si tu vas t'acheter un truc à manger, tu rates une séance. Donc, du coup, nous, on faisait nos petits sandwichs pour manger dans la salle de cinéma, quoi. Moi, pareil, c'est ce que je faisais le matin. J'avais tout le temps mon sac à dos, puis j'avais des trucs. Alors, ça avait soit des champignons, soit des sandwichs, soit des machins. Des trucs que tu peux manger sans faire de bruit en plus. Ouais. Tu regardes le film et tu manges comme ça. Tu te dis, faut pas que je... pas les grosses cheats, quoi. Non, c'est ouais, clairement pas. C'est clairement un sport, quoi. C'est... Mais ouais, du coup, voilà, c'est mon plus gros fef. Et c'est surtout parce que j'avais cette semaine de libre que j'ai pu voir 31 films. Ok, et eh ben okay, merci à vous trois pour ce... C'était chouette. Ce merveilleux numéro spécial, hein. Ça nous a bien plu, je pense, de changer un petit peu de C'est d'habitude. Clair. Ça change. Et puis de parler d'un festival qui nous tient à cœur quand même, c'est clair. Donc si vous nous écoutez, on dit merci aux organisateurs, hein, parce que clairement, vous pouvez le voir que c'est quelque chose c'est qu'on aime beaucoup. Continuez à nous sortir d'autres festivals, d'autres éditions. En plus, on nous a promis, pendant la séance de fermeture, on nous a promis que la 12e édition serait au moins aussi bien que la 11e. Voire mieux. De voir ça. En attendant, nous on vous dit au mois prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, à partager cet épisode et à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On se quitte sans jeu de rôle cette fois-ci parce que c'est un numéro spécial. Voilà, et on va quand même se quitter en musique avec un morceau de Ennio Morricone. Oh. Donc c'est un morceau qui s'appelle, alors je vais très mal le prononcer, Daisirae. Quoi ? Daisirae Psychedelico. Ouf. Alors, Ennio Morricone, il fait généralement des musiques de films. Et là, pour le coup, c'est un morceau qu'il a fait en 1968 pour le film Escalation. Ou Escalation, parce que c'est italien. et c'est un film plutôt confidentiel. Jugez plutôt, aucune note sur Sens Critique et seulement 5 en vie. Ah oui ! Voilà. Ok. Je ne sais pas du tout ce qu'est ce film. Mais ce que je sais en revanche, c'est que le morceau est vachement cool et surtout qu'il a servi de bande-son pour la bande-annonce de la 9e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. On vous laisse là-dessus. Okay. Et à la prochaine. Salut.